C'est donc avec plaisir que je vous confirme que les propos et opinions illustrés par les collaborateurs du collectif ce soir ne reflètent en aucun cas le podcast et leur employeur actuel. Hey, c'est comme la télé payante sur TVA, c'est genre débile, à 11h du à 11 matin. Là, ne refaites pas ça à la maison. C'est ça. Mais non, oh my God, on n'est même pas encore commencé. C'est quoi la meilleure de cette affaire-là? C'est quand t'as regardé ça en anglais, t'avais Global, puis t'avais toujours quelqu'un genre de next, il disait toujours the following episode, on partage pas les opinions du prochain show. Mais on paye les droits de les diffuser, c'est par ça. Exemple. Mais là, après ça, tu vois, comme, tu sais, les autres, ils sont comme, ils supportent pas qu'est-ce qui est dit sur ce show-là. Mais après ça, le show, c'est genre sauver les kids en Afrique. C'est un show religieux. Ça, ou là, c'est souvent un show religieux. We'll take that religious money, mais on se désassocie vite en esti. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 88. Nous sommes présentement mardi, le 7 février. Geek Collectif, le podcast, une émission québécoise franco-canadienne qui traite de la culture populaire et impopulaire. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir d'Éric Hébert. Bonjour André, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Il y a une petite tempête dehors. C'est pas grave, on est à Laval. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont pas déneiger puis ils vont pas saler? Exactement. Accompagné également de c'est correct, la blonde à Milter, elle écoute pas, c'est qu'elle a pas besoin de stresser. Ben la oui. mienne non plus, c'est que... Accompagné de Jonathan Milter oui. et ses pneus d'été? Non, j'ai des pneus d'hiver. Ah, bon. Ça affaisse. C'est Laval. Oui, effectivement. Laval, c'est comme Val-d'Or, mais avec plus de buildings. Ouais. Moins d'Indiens? Non. Laval. Non, en fait, il y en... C'est non. juste pas son haut. Ouais, c'est ça, tu vois pas. Son camo. Des buildings. Ouais. Et accompagné également de Guillaume Hamel. What's up? Ça va, Guy? Ben oui, ça va très bien. Yes. J'ai un peu chaud, mais c'est juste tout est pour la fashion. Thématique black on black? Oh yes. Back in black. Back in black. C'est le cas de le dire, début de l'année. Black is the new orange, paraît. Oh, I see what he did there. C'est ça? Non, c'est orange is the new black. C'est j'écoute ça la pas, joke. J'écoute pas ça, des séries de filles. Non, c'est une joke politique. Fait que... Faut-tu qu'on t'explique? On n'a pas le droit, Eric, de faire ça ici. Je pense que Donald Trump dépasse toute frontière. Bon. Moi, j'aime ça quand on fait une joke malaisante puis on arrête sec. Fait que ça me donne des cues exprès pour le montage. C'est génial. Coupe, hey, guys! Coupe, non, mais c'est pour mettre des effets sonores. Ben oui. Je vais mettre un effet sonore tel qu'un bolo qui déboule les mains. Hey, ou Sky's à salle catnip. Nice. Donc, guys... Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres depuis... là, ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré. On va être dû pour faire un petit tour d'actualité. Absolument. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Ben, vas-y donc, d'abord, monsieur, plein d'affaires. Bon, mais là, j'ai trois affaires principales que je veux parler, parce qu'il y a plein d'autres affaires que je pourrais parler, mais le monde ne veut pas savoir mes problèmes personnels de maison et tout. Fait que... Non, le monde aime ça dans l'OD du divertissement gratis pour entendre un gosse plaindre. C'est ça, exactement. Fait que moi, j'ai trois affaires. Là, on vient de parler de ça un peu bien vite. Fait qu'André pourra pas le couper au montage, mais on a parlé de Donald Trump. Et j'ai downloadé une application qui s'appelle le Donald Trump Soundboard. Il y a 300 à peu près sons, puis ils font des updates, puis ils en rajoutent. Depuis l'inauguration, il y en a eu comme 62 de plus. Je veux juste vous montrer un exemple comme ça. Attends, tu viens de découvrir les soundboards? Non, mais celle de Donald Trump, il est complet. D'habitude, t'as 9 sons. Là. Fait que tu viens-tu de nous résumer t'as 3 saisons des justiciers masqués, toi, là? À peu près. OK. Non, mais sérieux, il était carrément. Depuis que j'ai amené ça à job, les ingénieurs capotent. Ils se promènent dans les corridors, puis comme, ils payent tout. J'ai toujours ils dit, build a wall, j'ai toujours dit que ça apprenait pas grand-chose pour exciter l'ingénieur. Non, c'est sérieux, c'est carrément. sujet à part, j'ai commencé à jouer sur mon cell à Fire Emblem Heroes. de Nintendo. Fire Emblem, c'est pas une affaire de Pokémon. C'est comme, ben non, c'est comme tactique. Ouais, c'est un RPG genre de tactique. C'est pas Pokémon, tu veux dire des elfes, des épées, de la magie, puis du. Ouais, du tout ce que j'aime pas d'habitude, mais Fire Emblem, j'aime le les jeux tactiques dans le fond là. Fait et que, un grand classique de Intelligent Systems, ça là, c'est ouais. Les autres qui ont fait ça. Mais je l'ai pogné, il est gratuit sur le cellulaire, puis ça passe le temps là quand tu prends de l'air frais puis tout. Fait que. Puis deux Mitomo sur 5. Oh, des Mitomo, ça vaut pas grand chose. Ah, mais non, parlant mais de Mitomo, le jeu il est le fun. Ouais. Ça a l'air qu'ils vont crisser la hache là-dedans avec la Switch. J'espère. Ah, ça se peut-tu que les Mitomo soient dans Switch? Non, ça a l'air que tout ce qui est social, les petits bonhommes là, qui représentent ton avatar, là, ouais. Ben, ça a l'air que ça prend le bord carré, il n'y en aura plus du tout. Là. C'est ce que j'ai entendu à travers les branches. Ça serait une bonne affaire. Surtout qu'ils viennent de vendre plein de gens de Mi. En amiibo, là. En plus. Puis, en tout cas, c'est Nintendo. Fire Emblem Heroes. Oui, pour un jeu gratis de cellulaire, là. Ça vaut la peine. Sérieux, si t'aimes les tactiques. Y est-tu comme le jeu de Ninja Turtle que j'avais parlé d'une couple d'épisodes, là? J'ai jamais joué. Fait que t'unlock des cartes qu'ils deviennent des bonhommes, que tu peux monter de level en faisant des tableaux de RPG. Mais moi, y a pas de cartes. C'est comme Final Fantasy Tactique, là. Mais vite. Ouais. Avec des petits combats, j'ai plus remarqué. Plus vite, il y a des petits combats, t'as des stats, t'as des level up, t'as des armes. Genre les couleurs d'armes vont affecter une arme bleue contre une arme verte, admettons, va être comme plus les fort. Pokémon. Puis ouais, un peu le même principe. Un jeu c'est bon basic. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Pauvre gars, j'essaye de me mettre à leur place quand tu dis des affaires de même. Je sais pas quand qui tient une manette d'Xbox sans se fourrer entre le A et le B. Genre. Mais c'est parce que c'est y a pas de couleurs. Ben c'est ça, qui capote. Pas capable de jouer à Guitar Hero, DDR. T'es-tu en train d'assumer que tous les daltoniens sont illettrés? C'est ça qu'ils sont pas capables de lire. Non, non, mais quand tu vois une couleur dans l'écran ou quelqu'un qui, le monde dit pèse le bouton rouge, là, Joe, là, je te demanderais de garder tes propos un peu plus propres, s'il te plaît. On est quand même la podcast de pèse sur le B. Pèse, ouais, ben là, faut que tu checkes. Quand, en tout cas. Donc, retournons à nos moutons. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Penses-tu que c'est ça? Je pense plus rien rendu là. OK. Ah ouais, c'est mais tout ça pour un jeu gratis sur un cell, ça vaut la peine dans d'autres ça. L'autre jeu que je veux parler, que j'ai joué, il est pas gratis. Il est sorti dernièrement. Moi, je l'ai pogné sur Xbox One. Je pense qu'il est disponible sur PlayStation aussi, mais je suis pas sûr à 100%. Fait que, pitchez-moi pas des rushs, faites juste aller voir et puis... Puis au pire, soyez déçus. C'est ça, who cares? Ou acheter une Xbox One. Puis... On peut-tu te lancer des commentaires de haine sur Facebook? Oui, au lieu de je suis habitué, fait que ça m'affectera pas. Okay. Mais tout ça pour dire que ce jeu-là, je l'ai acheté. Vu que moi et Eric, on a hacké Xbox puis qu'on partage nos jeux, comme on a déjà expliqué dans un épisode précédent, Eric il a joué avant moi, ce jeu-là. Je l'avais pas aimé. Puis Eric, un jeu que Milter a acheté avant Milter. Avant moi. Ouais, parce qu'il y avait du shit qui se passait chez eux. Parce qu'il y a pas d'enfants. J'avais pas. Ouais, c'est ça. Parce aussi. Lui, il a le temps de jouer, pas moi. Fait que là, il dit ça, puis il m'écrit, il dit, hey, en passant, tantôt pas grand-chose, le jeu, c'est de la merde. En même temps, j'ai dit, t'es la bienvenue pour que je t'ai baissé tes attentes. C'est ça. Il m'a dit, merci, bienvenue d'avoir baissé tes attentes. Puis c'est exactement ce qu'il a fait, parce que, moi, je suis parti là-dedans en me disant, bon, ça va être de la style de marde. You're welcome, Milter. Puis, finalement, je suis rendu, je l'ai quasiment fini, c'était cœur, hein. C'est quoi? Carrément... savoir, c'est quoi le Chris de jeu? Attends, c'est... Ah. C'est, ben, c'est le jeu de Bob Ross. C'est Mighty Morphin Power Rangers. Oh! The Game. Man, je veux jouer à ça. Qui est carrément comme un Ninja Turtles ou Super NES, le Turtles in Time, là, arcade style, là. C'est tous des tableaux basés sur des vieux épisodes de quand on était jeune. Là. Pas de Dino, Samurai. Puis pas avec les armures Iron Man. Non, c'est pas, cinéma, pas les Digimon Power Rangers, Samurai, là. Christmas. Wild là. Forest in Wild Space. Jungle Force, Tribal. Tribal Rescue. Les Mighty Morphin Power Rangers. Tu sais, t'as la fille en rose, t'as le bleu. Toute la gang là, avec un autre dans le temps, là, Billy, Tommy. C'est aparté, là, mais Tribal Rescue, ça ferait une crise de bonne saison de Power Rangers, ça me semble. Ça existe, ça? C'est pas Jungle... Je sais pas. Tribal Jungle. Il y en a une gang dans le jeune. Si ça existe pas ici, il y a un Super Sentai au Japon qui l'a fait. Je sais pas si... Il faudrait que je check, mais je me demande si tous les personnages dans le Jungle Power Rangers sont black. Faudrait que je check. Si, pour voir si donc ce jeu est disponible sur Xbox One. Mais ouais ce jeu là il est disponible, il est 15$. Il va sûrement baisser un moment donné, mais c'est carrément un beat 'em up Street of Rage style, tu sais, Turtles in Time. Mets pas ça dans la même phrase que Street of Rage. C'est écœurant, là. T'as même un... Y a-tu un kangourou qui se bat? T'as un Power Rangers en patin. T'as tout, là. Ouais, mais, c'est pas Street of Rage, ça. Non, mais t'as des tableaux, tu sais, de beat'em up, carrément, ouais. Mais t'as des tableaux que t'es les gros robots géants. Tu beat'em up en gros robots géants. Mais okay. C'est un genre de touch combo chose, en Dance tout cas. Dance Revolution, genre. Un peu. T'as une autre affaire, shooter mode, qu'il faut que t'es tires avant de te battre contre. C'est cool. C'est nostalgique. Attends, un peu. Tu veux dire que j'ai arrêté de jouer le jeu trop vite? Avant de voir tout ça. Puis à cause de ça, j'ai manqué le Rhythm Game Robot Fighting. Exactement, Eric. Puis le QTE puis de Robot Fighting. FPS Shooting de Mir, puis tout. Non, il y a pas de... je te le dis, man. Puis tu peux jouer... Time Events. Dans le fond, c'est comme God of War. Le pire, en plus, c'est que j'ai parti ce matin encore. Ce matin, j'avais comme une demi-heure. Pis j'étais là, ah, qu'est-ce que je joue? Ah, je peux m'embarquer là-dedans, je peux m'investir dans ça, blah, blah. Pis là, j'ai comme, tu sais quoi, fuck off, là, je vais réessayer le Power Rangers encore. Pis j'ai punché 4 fois dans un des estis de bébites, là, pis j'étais comme, non, je suis pas capable. Les potes. Non, mais, pis tu sais, habituellement, je comprends pourquoi qu'il est fun. Je comprends pourquoi qu'il est fun. Moi, je l'adore. Ben, c'est un petit jeu easy. C'est justement un peu comme t'as dit, par exemple, c'est quand j'ai pas le temps ou j'ai pas le goût de m'embarquer dans... une mission de Let It Die, ben pas une mission là, mais me concentrer là, sur Let It Die ou me partir je vais essayer de survivre à ça. C'est la première fois que j'entends concentrer puis Let It Die dans la même phrase. Non, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire là. Tu dans Let It Die, tu pars pas juste faut que tu te donnes un objectif là, tandis que ça c'est comme l'objectif, c'est s'en au top de la tour. Ben c'est ça. Mais faut que t'aies une stratégie pour, faut que tu reviennes des fois, faut que... Fait que Power Rangers, c'est combien, Joe? 15$. On l'achète-tu? Ben, moi, je l'ai acheté. C'est pas ça qui passe comme question, là. Moi, je l'ai eu en pre-order en plus, fait que j'ai eu un pack, que j'ai 5 autres, les personnages Power Rangers, là, ouais. Les humains, hein. Ouais. Ben, tu peux l'avoir, tu sais, tu te bats en humain, puis après, t'as le costume, mais là, j'ai eu 5 autres humains, que j'ai aucune idée c'est qui, mais c'est sûrement des Power Rangers d'une autre saison. Fait que moi, j'ai ça. Je trouve ça cool. Ça vaut à peine parce que je sais que Rick il joue. Fait que c'est comme si je l'ai payé 7,5$. Mais la question, là. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas body-body avec Major Nelson, qui n'a pas hacké le Xbox, puis qui l'a pas eu en pack, puis en ce moment il dit je l'achète. Guys, oui, si t'aimes pas Power Rangers, non. Si t'aimes les Power Rangers, puis t'es nostalgique, puis t'aimes les jeux Double Dragon, genre beat'em up. Mais mettons que t'aimes Power Rangers, puis t'es un homme blanc cisgenre de 35 ans. Tu travailles dans un dépanneur pis t'as pas d'argent. C'est sûr que tu l'achètes, t'es privilégié. Oui. T'as l'argent pour. Merci, Joe. À moins que tu travailles dans un dépanneur. Même là, t'as même des là, privilèges. 15$, t'as des privilèges. Ton chèque de privilège à toi et moi, Guillaume. Écoute, c'est génial. Fait qu'avant de s'enfourrer. Le secret check. S'enfourrer, j'ai des mots bizarres, hein, mais c'est s'enfarger dans un terrain encore plus glissant que maintenant. Rick? Oui. Toi, t'as-tu une actualité pour nous autres? Oui. Premièrement, j'ai regardé bien de la télé dernièrement. J'avais un show que j'ai tombé dessus complètement par hasard. Je l'avais vu passer un petit peu en publicité, mais j'avais pas catché comment cool que c'était pour être. Mais c'est un show qui s'appelle Powerless. Oui. Powerless, que j'ai tombé dessus. C'est dans l'univers de DC. Justement, c'est le punch que je voulais faire, mais il n'y a pas de trouble. Mais Powerless, c'est quelque chose qui est très cool, parce que moi, j'ai commencé à l'écouter, puis au début, t'as un générique absolument hallucinant. Quand le générique commence, c'est des, comme, tu sais, j'avais vu, tu sais, la première émission, il y a juste une qui est sortie. J'ai regardé la première, puis c'est Vanessa Hutchinson, en tout cas, une des filles de High School Musical. Hutchinson, ouais. C'est elle qui joue le rôle principal. Puis le rôle commence, elle, qui vient d'arriver dans sa nouvelle ville qui s'appelle Charm City. Puis elle s'en va vers sa nouvelle job qui est la lead d'une équipe dans une place de recherche de produits de sécurité. Tu m'as ça sonne fake en esti comme nom de ville, excuse-moi. Ça semble comme un sitcom des années 90. Mais justement, c'est parce que aussi, tu vois un petit peu l'humour parce que tout de suite, aussitôt qu'elle est dedans, il y a un combat entre deux et un super-héros puis un méchant vilain qui se fait dehors, qui se rentre dans un building puis tout, puis c'est quand même assez bien fait. Puis là, t'as elle qui vient d'arriver sa petite ville, qui est là, puis ah, my God, c'est genre Starman contre fucking bêtate de poète là, là-bas. Là. Puis il commence à se battre, puis tout le monde dans le train sont blasés, sont comme, ah, c'est un autre, tout le monde qui se prépare pour une catastrophe, quelque chose comme ça. puis elle est pas là, encore, puis elle est bêtate de poète. Ouais, c'est ça. Puis elle est là, puis elle voit ça, puis elle est en train de capoter ma raide. Puis là, le show, il commence avec ça, puis le train qui se fait complètement dérailler à un moment donné, mais que la fille qui se battait, elle attrape le train, puis elle les atterrit, puis elle est juste comme là, en train de triper. Puis là, le générique, il embarque, puis tu vois genre plein de styles, tu vois Green Lantern, tu vois Batman, puis t'es vois pas comme de vrai, mais je suis comme, shit, c'est des vrais personnages de DC, ça, pourtant. Puis, mais la caméra, elle focus tout le temps sur le monde dans l'arrière-plan. Fait que tu vas voir genre comme Green Lantern en train de se battre contre un méchant, puis tu vois genre comme quatre citizens random dans le background en train de crier, mais à chaque personne, ça zoom in à une de ces personnes-là, ça dit le nom d'une des personnes dans le sitcom. Puis c'est super cool comme sitcom, ça va autour d'elle qui vient de commencer à travailler pour Wayne Securities, puis non, c'est pas pour Bruce Wayne, c'est pour son cousin qui est le propriétaire de Wayne Securities. Puis ses parents sont-ils morts, lui? Non, guess not, peut-être. Hein, on n'est pas rendu là encore. Mais lui, il rêve de travailler un jour à Gotham avec le head office de Wayne Enterprises. Il s'appelle Lucius Fox. Genre, une connerie comme ça. Il s'appelle-tu Lucius Fox? Je sais pas. C'est-tu ça son nom? Fait qu'Éric, après cette courte interruption du chat qui accroche la fête réseau, Powerless. Ouais, Powerless, que je suis en train de... Ben, les personnages, que j'expliquais un petit peu, là, il y avait Vanessa Hudgenson, il y a Danny Pudi, qu'on connaît de Community, okay. Qui est quand même très drôle. Puis c'est genre un R&D department pour Wayne Securities, la version B de Wayne Enterprises, dans la ville B de l'univers de DC, où les super-héros sont connus, mais c'est vraiment powerless. Là. C'est le monde dans un monde de super-héros qui n'ont pas du super-héros. C'est comme le Laval de Gotham, dans le fond. Là. Exactement, exactement. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai bien trippé dessus. Ça joue... Je pense que la deuxième épisode est jeudi. Okay. Ça joue sur CTV, si je me trompe pas. Je suis pas 100% sûr là-dessus, mais check pour Powerless. Ça joue sur les télés traditionnelles, puis je suis sûr que ça va streamer puis être disponible un peu partout ailleurs. Je connais des applications sur Xbox que tu peux l'avoir... Que nous n'encourageons pas, par contre. Ils sont légales sur Xbox. Mais c'est pas grave. Puis une autre chose aussi, c'est ainsi, mais les dernières semaines, on a commencé à jouer beaucoup à Overwatch. On fait des Broverwatch un peu. Effectivement. Que je suis bien content de. C'est bien trippant, ça marche bien. Puis on a une petite gang qui s'amuse dans les Broverwatch. Puis on va même participer dans une ligue comme des retardés. On va sûrement rien gagner. Mais je pense qu'ils nous ont accepté dans la ligue parce qu'ils savent qu'on est des grands gueules, puis on va sûrement parler de la ligue. Fait que ça, c'est un avantage. J'ai pu rencontrer les organisateurs de la Montreal Overwatch League. J'étais allé à un événement de networking au Meltdown qui avait été organisé par M. Savard, Léonin lui-même. Hashtag baller. Hashtag baller. Qui vient de déménager à Montréal en passant. En fait, il était à Montréal, il est parti, puis il est venu. C'est une longue histoire, mais il est ici. Puis c'est ça, j'ai fait une soirée de networking avec Dominique Bourret, là, Papa Cassette lui-même. On est allé parler un petit peu de l'arcade avec du monde là-bas, puis essayer de rencontrer des gens du e-sport québécois. Puis c'était bien le fun. J'ai parlé avec les organisateurs de la Montreal Overwatch League. Je leur ai dit qu'on était, on avait un team rating d'environ... 1800 si on inclut mon horrible rating. Mais on a du cœur, puis on a de la volonté, puis on va faire les games puis les streams les plus impressionnants, puis on garantit que même si on joue un match contre les meilleures équipes à Montréal, on va en tuer au moins un de leurs bonhommes. Honnêtement, ça va être divertissant parce que on n'est pas des pro players. Non, mais on a du fun. Ouais, on a une belle petite équipe, je pense. Une ligue de garage de Overwatch. Ouais, c'est une ligue de garage d'Overwatch, puis tu sais quoi, j'aime ça. Puis je parlais avec les gars en plus de cette affaire-là, en ce moment leur nom me glisse. Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il expliquait un peu comme que là, il voulait juste faire ça open au début. Parce qu'habituellement, des ligues comme ça, c'est snob un peu, tu sais, c'est invite only pis tout. Ouais. Puis ils ont dit pour la première affaire, ils vont juste prendre n'importe quelle équipe. Puis ces équipes-là, après, le plus que ça grandit, mais il va y avoir des différentes divisions qui vont se former. Mais en ce moment, c'est comme la Open League où ce que tu vas avoir carrément notre équipe qui est juste des dudes qui jouent puis qui se ben c'est là que tu vas classer le monde dans un sens. Tu vas voir le classement, le skills. Oh ouais, non, mais notre skill, comme genre, aussitôt qu'on est rentré dans leur Discord, la première journée que j'étais dans le Discord, je rencontre un gars qui fait juste rentrer dans le Discord, comme il me voit rentrer dans notre channel ou dans un channel. Puis il commence à me parler, puis il commence à me poser des questions. Puis c'est quoi votre team rating? Puis c'est quoi ça? Puis blablabla. Puis il me grillait sur plein de questions. Puis déjà, je me sentais inconfortable. Puis je me dis, c'est fucking plate pour bien du monde, ça, qui veulent jouer. C'est intimidant, je trouve. C'est intimidant. T'es comme tabarnak. Je suis dans une estie de ligue. On joue tous des jeux vidéo. Moi, la question devrait être, j'ai 38 ans, j'ai une hypothèque, j'ai une job, je suis marié, puis je comprends les combien jeux vidéo. Combien de jeux que tu joues en même temps? Ben, c'est pas rien que ça, mais c'est comme quand tu t'inscris dans une ligue de balle molle, puis là, le monde, ah, toi, tu frappes combien, puis là, ah, tu lances-tu bien, puis t'as la fuck off, je veux juste boire de la bière, puis jouer à balle molle. Ouais. Tu sais, honnêtement, là, c'est ça une ligue d'Overwatch? On va participer dans ça, puis j'avais rencontré eux autres à l'événement de networking, puis il y avait bien du monde qui ont parlé, le e-sport au Québec, c'est assez spécial. Il y a une belle scène. Ouais, puis ça fait longtemps que moi j'essaie juste de pousser aussi les événements qu'on fait à Arcade Montréal, les tournois qu'on fait, ça fait longtemps, faire au-dessus d'un an qu'on fait ça. Mm-hmm. Puis ces tournois-là sont, tu sais, c'est du e-sport là, comme on a eu un tournoi de Super Street Fighter 2 au SNES. Puis, on avait parmi les meilleurs joueurs de Street Fighter, SNES, Milter. Je sais, hein, je t'aime ça. Puis, on avait parmi les meilleurs joueurs de Street Fighter à Montréal qui étaient là, puis qui ont participé, puis qui trippaient. Puis, tu sais, c'est un jeu du Super Nintendo, mais c'est du e-sport. Tout s'applique au e-sport, puis tout est bien. Puis, c'est pas mal ça. André, il approuve, je pense. Là, ben il est bien content avec Effectivement. Ça. Effectivement. Ben, merci, Eric. Ben, ça fait plaisir. Guy? Hey, tantôt, t'as posé la question, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé du stock en tabarouette. Première chose, j'ai fini le main storyline de Metal Gear Solid 5 finalement. Après quoi, près ça? De 180 heures de gameplay. Le jeu ou le porn parody de Brazzers qui est sorti? Non, non, on parle vraiment de la folie sur internet aujourd'hui. Il l'a pas encore fini ça. Je suis en train de finaliser là le reste des genres d'achievements dans le jeu là au Xbox que je joue, donc j'ai pas de platinum ou autre là, donc là j'ai 90% des side ups de fait, j'essaie d'aller chercher tous les animaux puis toutes les cassettes puis toutes les affaires. Une machine. Bah, c'est juste pour le fun. Hein. Le jeu est intéressant. Non, il est fun. Il y a pas l'espèce de facteur comme Deus Ex Mankind Divided que j'ai joué pendant une pause de Metal Gear avait pas cet aspect-là de vouloir continuer à jouer. Jouabilité, tu peux pas, il l'a pas autant que ce jeu-là. Ben, il l'a, il te le permet, mais il t'invite pas à le faire. Moi, je trouve qu'il était comme un peu plus froid d'approche, c'était un peu plus difficile d'approche, puis j'étais moins intéressé, c'est que je l'ai rangé tout de suite, tandis que Metal Gear, je continue à y revenir, même avec Force et compagnie. C'est ça, Metal Gear, il est plus facile de rejouer. Il est plus beau, il y a moins de problèmes techniques et autres. Mais ça, j'ai fini ça, je suis bien content là-dessus. Sinon, j'ai fini le volume 5 de Darth Vader chez Marvel, qui est la conclusion de l'histoire de Darth Vader dans, en ce moment dans la série des bandes dessinées. Parce qu'ils n'ont pas encore spécifié si ça allait être fini pour de bon, ou il allait continuer une autre série de Darth Vader qui était, de l'opinion de plusieurs personnes, une des très très bonnes séries qu'il y avait. Je sais aussi que Benoît Mercier a énormément apprécié la série. J'ai fini aujourd'hui Star Wars volume 5 qu'on j'ai amené ici. Dans le fond, je vais le montrer à la caméra pour ceux qui veulent le voir. C'est pas très Mass Effect, mais c'est dans l'espace. Et pas grave. Non, mais d'un autre côté, c'est une influence sûrement de Mass Effect doit être en partie influencé par Star Wars, sans les sabres laser. Et la religion et les midi-chloriens et en tout cas ouais, ça c'est des films de samouraïs, ça mélangez exact. Pas là. Mais non, c'est ça. Et ceux qui suivent un peu la scène des émissions de culture populaire se rappelleront peut-être que dans l'épisode de Noël des Mystérieux Étonnants qui vient de passer il y a quelques semaines, ils ont parlé de la série la BD Descender. En fait, ils ont parlé de la version française. Leur invité son nom m'échappe de la boîte à BD. C'est ça, la boîte à BD à Montréal, en tout cas. Non, c'est la Laval. Non, c'est en français là. C'est en tout cas le nom m'échappe là. J'ai pas fait mes recherches à ça. La boîte à BD en français, c'est Comic Box. Non, en tout cas, je vais le retrouver là. Bon essai, Eric. La place à Dom. Mais c'est reconnu comme une série vraiment intéressante. C'est écrit par Jeff Lemire, qui est un excellent auteur de bande dessinée. Je l'ai pas commencé, je la commence en fait ce soir ou demain. Puis si jamais les gens l'ont lu, ben essayez de pas me faire de spoiler. Là. Ça vaut la peine. C'est un genre de plein de mash-up de sci-fi mis ensemble. Puis ça a l'air que c'est vraiment débile. Cool. Fait que ça, t'attaques ça dans les prochains jours, j'imagine. Super. Prochain épisode, on devrait avoir ta rétro sur. Moi, je vais sûrement. Prochain épisode, je vais sûrement parler de Descender, entre autres. Et je voulais faire. Ça dépend combien de fois il va à la toilette. Oh non, je lis jamais des BD à la toilette. Mais non, je fais d'autres choses à la toilette. Là. Ah, ok. Si je like vos statuts Facebook, c'est sûrement ta toilette. Ah, je pensais que tu parles de masturbation. Non, non, non. Parce que Dieu sait qu'on n'est pas à l'aise d'en parler ici. Non, puis je voulais finir mes actualités par faire un petit clin d'œil au Super Bowl. Pas nécessairement au sport. Quel Super Bowl, hein, oui, quand même. Là. Mais c'est surtout les annonces. Puis on a vu les premiers sneak peeks de Legion, qui est une nouvelle série télé qui s'en vient à FX, basée sur un personnage. De tout ce qui s'est passé, tu start avec Legion? Non, mais comme, parce que c'est la meilleure affaire qu'il y a eu. C'est comme une suite logique. C'est des bandes dessinées qui sont en rapport. Je pourrais parler de l'annonce de Bye, la série, le jus, qui était, moi, selon moi, l'annonce la plus haute, là, avec Christopher Walken. Je vous en parle pas plus, sinon je révèle le punch. J'ai adoré aussi l'annonce de Buick, mais je veux juste parler tout simplement de thématique bande dessinée. Legion, qui est en fait l'histoire du fils de Charles Xavier. Je sais pas si dans la série télé ils vont approcher ça sous cet angle-là. Mais en fait, en date d'aujourd'hui, 7 février, la date de l'enregistrement de l'épisode, l'émission commence demain. Donc si vous l'écoutez en direct, vous pouvez l'écouter demain. Sinon, si vous écoutez l'épisode en rétro-compatibilité, hey wow, je l'ai mon affaire. Download. En écoute posthume, après la mort de ce live. En différé. J'essaie d'être créatif, c'est pour ça, tu sais. Vous pourrez peut-être beaucoup de morts. Plus sombre et gothique que ben, créatif. Mais c'est comme un peu la carrière des joueurs des Falcons, là. Oh. C'est mort. J'ai la mérité en plus. Mais donc, on pourra s'en reparler de Legion au prochain épisode aussi, sûrement, et de d'autres séries télé, 24 Legacy ou APB ou peu importe. Là. Étant donné qu'on aime bien les séries télé au Geek Collective. Ben, parlant de séries télé, c'est un excellent momentum que tu me places devant moi, parce que ben moi aussi, mon actualité, il y a un peu de séries télé là-dedans. Je vais essayer de faire ça vite pour qu'on garde quand même pas mal de place. Pas de spoilers de trailer, là, parce que je ne l'ai pas vu et j'ai pas vu la saison. The trailer, mais effectivement, Milter, tu t'ouvres la porte. Super Bowl a amené ben, le premier sneak peek de Stranger Things Season 2. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 1, ben, le teaser de la saison 2 gaspille pas grand chose à réaliser. Non, vraiment pas. Mais va peut-être juste vous wiper pour aller écouter Season 1. Ghostbusters. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai eu une belle surprise parce qu'il y a quelque chose qui a recommencé que je ne m'attendais pas pantoute. Puis c'est, je vais le redire, c'est un très bon moment de télévision, surtout si vous aimez la sci-fi. The Expanse Season 2 a débuté aussi il n'y a pas trop longtemps. Donc, on a l'épisode 1 et 2 qui ont été diffusés. C'est juste malade, The Expanse, si vous avez faut la chance. Je la commence, c'est celui-là. Écoutez la saison 1 qui est disponible. Ça a passé beaucoup sous le radar. Il y a beaucoup de gens qui vont la comparer à Battlestar Galactica. Le remake, non l'original, là, celui qui avait de la profondeur, avec Edward James Olmos. Mais non, c'est juste super bon, c'est de la bonne science-fiction. Il y a une scène dans la manière que la saison 2 se passe. Je veux pas spoiler, je veux pas rien dire, mais c'est du combat spatial. Mais de la manière que c'est fait, c'est des combats avec des vrais guns, donc des balles, des projectiles, des affaires de même. Puis, mais c'est ça qui était hot de Battlestar Galactica, ben, c'est ça, c'est ce que je trouve le fun, c'est que The Expanse est un futur probable, qui est un peu fucked up. Il y a un gros côté politique là-dedans. Comme l'univers de Wing Commander? Ouais, un peu. Moi, j'appelle ça des futurs analogiques. Ben écoute, c'est comme, c'est ouais, tangible, tu sais, c'est pas du numérique slash du laser, des couleurs, c'est des balles. C'est ben c'est des balles, des railguns, des missiles, des affaires ben de même. C'est du matériel, puis ça, sûrement que l'utilisation du qualificatif analogique est comme carrément dans le champ, mais je trouve que ça fit avec ça, ça fait comme ouais, texture, ça fait Mad Max, ça fait genre... Tous les systèmes de son et des tubes dedans. Tout comme il avait fait dans le fond dans Aliens aussi, quand ils ont fait Aliens Isolation, là, ouais, pas longtemps, le jeu vidéo, qui avait un look très analogue. Comme Guillaume le mentionne, là, toutes les affaires, les séries rétro, les vieux écrans. Ben, il faisait un look de Aliens, ouais, original. Exactement. Des années 80 du futur. Ben, vous voyez, dans le fond, The Expanse, j'ai eu la chance, ma copine m'a offert tous les livres. Ah, il y a des livres en plus. Il y a des livres. Wow. Que honnêtement, j'ai écouté la saison 1 avant de lire le premier livre. Je suis dans le premier livre, puis je suis content parce que premièrement, il y a plus de stock dans le livre, puis deuxièmement, c'est la même histoire. Bon. Ou c'est une suite, la même histoire, okay. Puis c'est vraiment juste bien fait. Fait que The Expanse, écoutez ça. Puis ben, pour faire un beau segue avec le sujet de la soirée aussi, ben Mass Effect Andromeda s'en vient dans pas long. Donc pour les gens qui suivent le podcast depuis le début, pas mal tout le monde sait que je suis un grand fan de la série. Et tu peux dire fanboy. Je peux dire fanboy, puis je peux parler même de la franchise Mass Effect. Parce oui, j'ai que appris ça la semaine passée. C'est déjà tatoué. J'étais où, moi? C'est déjà tatoué Pathfinder sur le chest. Exactement. Ben, en fait, c'est ça une fête. Pathfinder Uzumaki. Mais en réalité, là, c'est que Mass Effect Andromeda s'en vient, puis je me suis dit, let's go. avant que ça arrive, d'un, parce que je veux revivre l'expérience de la trilogie originale, je me suis remis à jouer à Mass Effect, plus principalement Mass Effect 2, que j'ai commencé en rejoint sur Origin au PC, parce que j'avais acheté la trilogie. Gratuit. Puis, en passant à tout le monde, si vous voulez faire du Mass Effect, là, Mass Effect 2 est gratuit sur Origin en ce moment. Ceux qui ont accès à un ordinateur, puis vous n'êtes pas obligé d'avoir une bombe ultra récente non plus, c'est un jeu qui a quand même du vécu. Donc Mass Effect 2 est gratuit live là, c'est sûr, si vous écoutez le podcast live plus tard, okay, il sera peut-être plus gratuit, mais présentement, The House, Mass Effect 2 gratuit sur Origin. Ouais, là, on entend déjà les fanboys faire. Ben ouais. Ben ouais, Chris, installe-les. C'est gratuit. Ça pourrait être pas ça, mais joue pas. Ça pourrait être pire. Tu pourrais installer Uplay. Je veux dire, c'est une des meilleures compagnies dans l'histoire des jeux vidéo. Shot fire. Ben, exactement. EA, je pense qu'Origin, c'est une bonne plateforme. Mais en réalité, c'est un jeu gratuit. Fait que pourquoi chialer sur du gratuit? T'es pas content, tu l'enlèves. Il est pas juste gratuit pendant le mois. EA Origin, vous le prenez. On The House, il est gratuit pour tout le temps. Moi, je le gratuit. Xbox, ça de même. En plus, fait que Mass Effect, en réalité, je rejoue à Mass Effect 2, puis ça m'a juste donné le goût qu'on se paye la traite ce soir, on va aller un peu nerd out là-dessus. Milter, ben toi, je sais que j'ai jamais joué. T'as jamais joué à Mass depuis Effect. Le temps qu'on en parle. Je me suis donné un but personnel ce Mais soir, ça t'a donné le goût de le faire. J'ai vu mon coloc dans le temps faire le 1 et le 2 devant moi, parce qu'on avait un Xbox 360 à deux gens, là. Pendant le bout, fait que je le regardais jouer à certains jeux que je voulais pas jouer, mais... Fait que tu sais, regarde, peut-être que ça va donner le goût de l'essayer, mais en réalité, Mass Effect 2, qui est pour moi le Empire Strikes Back de la nouvelle génération, c'est... Vous allez voir, là, je vais faire beaucoup de parallèles ce soir entre Mass Effect et Star Wars, mais on va parler d'une franchise qui me tient à cœur, on va parler de l'influence que ça a eu sur le monde du jeu vidéo, on va parler aussi de plusieurs aspects... Autant pécunier que le nombre de copies que ça a vendu, autant que Eric va nous entretenir sur l'historique du studio, parce que BioWare et Microsoft ont eu une histoire très très incestueuse dès le départ, puis il y a eu EA qui est venu un peu mettre des bâtons dans les roues pour ensuite donner une bonne franchise puis offrir aux gens du contenu de qualité. Moi, je tiens juste à débuter notre sujet de ce soir en mentionnant une chose, c'est que on est dans une période où le gamer est devenu très consciencieux de son portefeuille, donc on a des jeux qui vont ressortir, puis des fois il y a des creux, on regarde nos gaming piles puis on se dit, ça je l'ai jamais fini, ça je devrais peut-être le finir, ça je pourrais le commencer, ou tout simplement j'ai tout fini ce que j'ai à faire, mais j'ai pas le goût de dépenser un gros budget incroyable. Il y a un paquet de monde qui ont des Xbox One à la maison, puis si vous avez jamais fait Mass Effect, ben moi je me donne le but personnel ce soir de vous donnez tellement de bon contenu là-dedans sans nécessairement vous spoiler des choses du jeu. Mais même si il y a un spoiler qui se fait retentir dans l'épisode de ce soir, ben je vous invite à faire le jeu pareil, parce que le but, c'est pas la fin de Mass Effect, mais c'est le parcours. Ouais. C'est ça, tu sais, ça sonne cliché de dire le but, c'est pas la destination, mais c'est le parcours, mais ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas cliché, c'est ça. Pareil, c'est ça le trip du jeu vidéo, là, tu sais, on faisait pas Mario Bros pour se faire dire la princesse dans un autre château, ben merci Mario, tu sais. On faisait ces jeux-là parce que c'était le fun, puis qu'on avait du plaisir à le faire. Mass Effect, présentement, là, vous allez pouvoir vous trouver les disques de Xbox 360. Pour des peanuts dans des marchés aux puces, dans des microplays, dans des EB Games, peu importe, sont pas chers. Sur Origin, je pense que la trilogy venait à 29. Faites juste faire attention, par exemple, parce qu'il n'y a pas toutes les DLC d'inclus, et honnêtement, il y en a qui valent vraiment la peine d'être joués. Et malheureusement, tout à l'heure, le 3 n'est pas disponible sur Steam, by the way. Effectivement, mais il est disponible sur Origin. Oui, Origin. Mais il devrait pas, les DLC ne vont pas plus être dans les jeux que tu vas acheter usagé. Ben non, à sauf que à moins que tu pognes, des fois, il y a des... Il y a le Game of the Year. Des Game of the Year, des affaires de même, que des fois, ça peut être déjà inclus à l'intérieur. Donc, guys, on va débuter, là. Premier Mass Effect... Donc, on va se transporter en novembre 2007. On va se mettre d'un mindset où il y a beaucoup de gens qui ont suivi le E3 de l'année précédente, qui ont vu le concept de Mass Effect, ils ont vu que BioWare travaillait sur un nouveau jeu intitulé de type Space Opera. Il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Avant de débuter ça, là, Eric, BioWare. BioWare en 2007. Mais avant, un petit backstory sur BioWare, c'est important de comprendre qui est BioWare. BioWare, il y a Ray Muzika. J'ai toujours eu de la misère à se dire leur, deux leurs noms. Là. Il y a Ray Muzika puis Greg Zeschuk. Maintenant, bien à la retraite depuis 2012, ces deux jeunes hommes-là venaient de graduer comme docteur. Puis ils ont décidé, tu sais quoi, on aime ça des jeux vidéo, puis on va pogner tous nos actifs, puis on va faire des jeux vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo qui s'appelait Steel Battalion. C'était dans le temps, si jamais tu voyais ça. Steel Battalion, c'était un jeu jeu de mec. Non, c'est c'était un jeu de rich kid du quartier, okay, si t'as joué à Steel Battalion. Ouais, c'est ça. Puis c'était reconnu un peu parce que tu pétais des affaires puis le terrain bougeait. Puis c'était un mec warrior, tech demo qui donnait. C'était pas Shattered Steel? Hein? Shattered Steel? Peut-être Shattered Steel, ouais. Peut-être. Je me semblais que c'était ça. Je sais pas, j'ai pas ça de note, là. J'étais en train de tirer ça de mon cul. Moi, Steel Battalion, mais t'étais pas loin. C'est Shattered Steel. Parce que Steel Battalion, je pense que c'est un jeu de bateau. Tu dis Steel Battalion? Ouais. T'as dit Steel Battalion. Ah, okay, donc moi, je t'ai suivi dans ton délire. Mais effectivement, mais merci. C'est vrai que Steel Battalion merci avait l'espèce André, de... lui, faisait référence à la grosse manette. Là. Partenariat ouais. avec Interplay en passant aussi. Pour celle-là, ouais. Mais dans le temps, fait qu'ils ont fait ça. Puis après ça, ils ont devenu des gods. Parce qu'ils ont pris des jeux licenciés puis ils ont juste fait de l'or avec. Entre autres, ils ont fait leur nom avec Neverwinter puis avec Baldur's Gate. C'est pas n'importe quoi, on s'entend. C'est pas n'importe quoi. Il y avait les licences de D&D puis c'était des fans de Pen and Paper puis ces gars-là. Puis BioWare, un jeune studio aussi que je devrais mentionner, vient de l'Alberta à Edmonton. C'est un studio canadien. Fait que je vais pas, on va pas stroker le Canadian cock trop là, mais c'est un produit très très fier, vraiment fait au Canada. Non, mais c'est correct de dire que c'est pas juste du monde du States qui... Puis parenthèse, weird de BioWare, mon premier jeu de BioWare, c'était la suite d'un de mes jeux préférés qui s'appelait MDK. MDK qui Murder était fait... Murder Dead Kill. Murder Dead Kill qui était fait par Shiny Entertainment. C'était débile. Qui était ça. Un de mes jeux préférés. C'était du gros n'importe quoi. C'était un third person avec un gars vraiment fucké qui tirait alentour d'un genre sci-fi, ça va pas. Il y a comme une tête triangulaire. C'est ça. Puis la suite... Ben, ils ont mandaté BioWare pour faire la suite de ce jeu-là. Puis MDK2, c'est BioWare qui a MDK2, c'est BioWare. Wow. Puis tu remarqueras, une des premières scènes dans MDK2, c'est que t'es en train de faire du skydiving, puis t'es en train de tomber en bas, puis t'as une petite grosse machine qui est en train de juste raser la planète Terre, puis t'es par-dessus Edmonton. Je trouvais ça toujours weird, quand je pensais que c'était une joke. C'est comme « Over the skies of Edmonton », puis il n'y avait pas de dire « Edmonton's about to get destroyed », puis je comprenais rien. J'étais en train de jouer mon Dreamcast, je trouvais ça très drôle. Mais la série, je la reconnaissais déjà pour dire n'importe quoi. Mais BioWare, ils ont continué leur trajet avec des produits licenciés. Ils ont hit « Gold Pay Dirt » avec « A Knight of the Old Republic », quand tout le monde était comme « Oh shit, un RPG fait... » bien dans l'univers de Star Wars, mais du passé. Ils ont vraiment bien fait à cause de ça. Puis, ils ont suivi ça avec des jeux comme Jade Empire, que Microsoft, maintenant, avait un intérêt pour. Puis là, ils ont travaillé avec Microsoft pour ça. Puis là, Microsoft, ils étaient comme, « Ah, ben, vous faites des bons jeux, vous autres. » Jade Empire, qui était excellent, en passant à checker Jade Empire. Il nous faudrait quelque chose pour notre nouvelle console, là. Il nous faudrait quelque chose pour notre nouvelle console. Puis Microsoft, ben, avec BioWare, décide de travailler ensemble, puis BioWare sont comme, ben, on a notre gang de Knights of the Old Republic qui ont une idée en tête, veux-tu checker ça? Puis, ben, les pièces sont mises pour Mass Effect sur le Xbox 360, faites par BioWare, distribuées par Microsoft Game Studios. Ouais. Je vais me permettre un fun fact, là. Ben, on a parlé il y en a une coupe en ce moment, là. Ouais, mais avant qu'on rentre dans le sujet de Mass Effect, là, on parlait que justement en fait il y avait trois fondateurs, mais il y en a un qui est comme un peu toujours oublié, mais dans les fondateurs étaient des médecins, ils pratiquaient la médecine, les trois étaient des docteurs. Ils pratiquaient la médecine. Pratiquent pas tant que ça, non. Mais durant le développement de Baldur's Gate, qui a duré 3 ans, ils faisaient temps partiel game development, temps partiel médecine. Ah, c'est parfait ça. Puis, c'est justement, ils ont vendu près de 2 millions d'unités, qui étaient quasiment le même chiffre que Diablo. Puis, c'est après ça qu'ils ont fait, OK, je pense qu'on a quelque chose, puis on va arrêter de faire de la médecine. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu dis, le gars, il a fait le genre de biggest RPG hit depuis ultra longtemps. Baldur's Gate, c'était quelque chose. C'est parce que souvent, les licences de D&D, comme d'autres licences, des fois, sont souvent mal traduites, tu sais, dans des interfaces c'était informatiques. Bien fait. Puis moi, je me rappelle avoir joué à ça, puis je comprenais fuck all de ce jeu-là, parce que j'étais un peu plus jeune. puis je jouais pareil. Tu sais, c'est que c'est débile. En multi aussi. Il était médecin à temps partiel pendant qu'il développait le jeu à temps partiel. Je savais pas qu'il était de temps partiel. Je savais juste qu'il était nouvellement gradué. Jamais creusé dans l'histoire plus que ça. Mais on est en 2007. Puis notre jeu sort. Je sais pas. Tu sais quoi, on va dire la suite de BioWare avant qu'on parle de Mass Effect 2. Parce que qu'est-ce qui arrive après Mass Effect 1 chez BioWare, c'est très spécial. Ben effectivement, puis afin de bonifier ça un peu, là, donc Mass Effect 1... Il y a bien du video game drama là, qui est arrivé là. Ça a brassé beaucoup de choses dans l'industrie. Ça a fait, moi, je me souviens du point de vue utilisateur Mass Effect quand c'est sorti. Premièrement, un jeu d'histoire, un jeu RPG très ambitieux, beaucoup d'exploration spatiale, une trame narrative vraiment intéressante où on s'engage avec l'utilisateur de dire les choix que vous allez faire vont avoir des répercussions sur l'histoire. Puis il y avait un pedigree, là, BioWare, il était reconnu exactement. Pour faire des bons produits comme ça parce qu'on les avait vus le faire, c'était pas de nouveau là. On savait juste qu'est-ce que BioWare peut faire, mais dans l'espace. Puis BioWare ont pris leur système qui fonctionnait dans Knights of the Old Republic, Jade Empire, justement, où on a de l'interaction avec des personnages, puis on a apporté ce lot-là d'interaction, de répercussion sur l'histoire. Ce qui était malade, en plus, de Mass Effect, il y a même eu de la controverse, parce que Mass Effect s'est prétendu un jeu... Premièrement, c'est un space opera, c'est sûr et certain, mais c'est un jeu qui a été coté mature aussi, donc 17 ans et plus dès sa sortie. La raison où Mass Effect est sorti en étant mature, ben c'est super simple. Merci Eric. Excusez-moi. Donc, ben Mass Effect, c'est un des premiers jeux où, ouvertement, le joueur pouvait faire des choix de dialogue avec les personnages et surtout pouvait avoir des répercussions amoureuses avec les personnages. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc les gens pouvaient choisir justement d'interagir dans une façon un peu plus intime avec des personnages créés dans le jeu. Sexe! Donc il y a eu effectivement des relations sexuelles, il y a eu aussi plusieurs avancements. Il va en avoir aussi. Puis il va en avoir aussi tout au long de Mass Effect, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé l'approche de la franchise toujours très respectueuse des fans. On va en parler un peu dans l'arrivée de Mass Effect 2, Mass Effect 3. Ouais, dans le 3, surtout quand tu punches des femmes reporters, là. Exactement, c'est génial. Mais en réalité, il y a eu beaucoup. L'égalité. C'est un jeu accessible pour tous. Fake news. C'est un des premiers jeux aussi où la possibilité d'avoir un personnage homosexuel était possible. Donc, on pouvait... Fable. Fable, mais... Ouais, mais Fable... Non, je voulais juste le mentionner. Effectivement. C'est parce que je l'ai fait les orgigués dans la petite cabane avec du foin, moi, là. Mais c'était peut-être un peu moins graphique que Mass Effect, par contre. C'est dans ta face, Mass Effect, là. Mais autrement dit, c'est que ils ont vraiment pris l'accessibilité des joueurs, puis ils ont essayé de transposer ça. Ils ont également essayé de faire de quoi de super ambitieux, où c'était un RPG où on tire à la troisième personne aussi également. Donc là, il faut vraiment viser, tirer, utiliser nos pouvoirs. Fait que ça a eu vraiment beaucoup de répercussions sur le domaine du jeu vidéo, selon moi. Question, vu que j'ai pas joué puis je me souviens pas, c'était-tu les stats qui faisaient que tu tirais un peu à la Fallout, genre? Ben c'est sûr que les stats avaient une incidence, donc des balles de feu versus tel type d'armure, les barrières kinétiques, les trucs mais comme ça. Mais c'était ton skill pour le hit accuracy. Ouais, je pense qu'il y avait du accuracy. En premier, il y avait du accuracy. Les weapons avaient des stats, donc t'avais des guns de 25 de dégâts, 35, 150, peu importe. Donc effectivement, le choix d'armes pouvait avoir une incidence aussi également. Ça, en plus, c'est un point que tu me fais souvenir. Mais je veux dire, le skill, tu sais, de savoir si tu le touches ou pas. Comme Fallout? Oui, Joe. Je vais te le reconfirmer. OK. Non, mais j'avais juste compris les dommages. T'as tes skills, t'as tes weapons, pis t'as le dommage aussi. Fait que tu peux tirer direct dans la tête, pis ton gun est pourri, que ça y fait rien. Ben, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi que tes skills à toi en tant que tel. Non, ça n'arrivait pas, là, par contre. Sauf, tu vas toujours faire du dégât. La seule affaire, c'est que, tu sais, plus que t'évolues, plus tes ennemis évoluent avec toi. Ouais. Fait que si t'upgradais jamais ton gun, ben, t'avais de la difficulté à un moment donné dans le jeu. Justement, André, pendant que t'es sur ça, pis tu connaissais très bien, là. Le personnage, quand tu le faisais, c'était quoi les classes, justement? Eh boy, écoute, là, tu me ramènes très loin. On avait Soldier, on avait Biotics, qui est l'équivalent un peu de la magie, puis c'est ce qui est le fun là-dedans. C'est des genres de pouvoirs psychiques. Fait que, tu sais, c'est du plausible comme sci-fi, mais c'est pas du plausible en même temps. Donc, tu sais, tout était quand même bien expliqué. Fait que, tu sais, il y avait plusieurs classes qui sont rajoutées au fur et à mesure. Ce qui est cool aussi, c'est que à partir des autres Mass Effect, on peut en parler un peu plus en profondeur, mais il a approfondi les skill sets. Mais en réalité, Mass Effect 1 2007, là, on s'entend, en 2007, un jeu, premièrement, qui permet des relations sexuelles à l'intérieur du jeu, qu'ils font pas de façon négative ou dégradante. Je me souviens, il y avait eu un incident avec Fox News qui avait utilisé Mass Effect comme référence en disant que ça incitait les gens à aller en ligne pour avoir des relations sexuelles, puis ça le comparait à un GTA. Puis en réalité, ça m'a sûrement inspiré d'aller me crosser sur l'Internet une fois. Ben, écoute, probablement en 2007, tout le monde allait se crosser sur Internet, on s'entend. Maintenant, ben, le monde ne font plus ça. T'sais. Ils se font ça sur Snapchat avec leur cellulaire dans les toilettes. Mais en réalité, tu sais, c'est que ça avait créé une genre de controverse, puis même Fox News avait dû s'excuser du fait que, ben regarde, écoute, nos propos qu'on a laissés se ramasser en ondes, c'était aucunement fondé, parce que, ben, Mass Effect 1, il n'y avait même pas de mode multiplayer. Fait que tu peux même pas aller en ligne, jouer online, tu peux pas rien faire. Tu peux downloader du DLC, mais t'as même pas de mode en ligne. Tu pouvais pas contacter quelqu'un d'autre. C'est pas la première fois que Fox News disait n'importe quoi. Donc, en réalité, tout ce qu'on essaie de vous démontrer là-dedans, c'est qu'en 2007, il y avait également des nouvelles alternatives à la télévision et pas juste sur Internet. Donc, là, ça, c'est Mass Effect 1. On fait l'histoire, etc. Shepard qui devient le premier humain à se faire admettre dans l'ordre des Spectres, qui sont les genres de policiers extra-systèmes de la galaxie qui font partie du conseil. Puis aussi, c'est l'humanité qui peigne son premier vaisseau. Genre un petit peu la Enterprise, là, tu sais, là, comme le premier vaisseau de la Fédération qui est représentant humain. Pour aller se promener, puis toi, à cause d'une série de circonstances, est la personne principale qui est là. Mass Effect 1, t'avais le speech. C'est-tu Mass Effect 1 ou 2 que t'avais le speech sur le vaisseau au début? Mais je sais que t'avais toujours un speech pour inspirer ton mais en crew. Réalité, t'apportes un point intéressant. Le vaisseau dans Mass Effect qui s'appelle le Normandy. Le Normandy est un vaisseau, mais devient un peu... Au même titre que l'Impala dans Supernatural fait partie du show, partie de la famille, partie du culte de Supernatural, ben, le Normandy fait partie des fondations de base de Mass Effect. Le pilote drôle Joker qui est voicé par Seth Green. T'sais, il y a l'AI, ED, ouais? Qui est très important aussi dans le 2, à partir du 2, par contre, ouais. ED. Mais, ah, je savais pas, je pensais qu'il était là dans le premier, ED. C'est juste bien pensé, c'est de bon goût et tout le long ça reste de bon goût aussi également. Mais là justement, il y avait des failles aussi là-dedans. Il y a beaucoup de trucs que certaines personnes n'ont pas aimé. Donc en l'occurrence, un point qui va faire un retour dans Mass Effect Andromeda, le Mako. Donc le Mako qui était le genre de vaisseau où Mass Effect nous promettait une exploration spatiale, nous promettait d'aller visiter des nouvelles planètes, découvrir des trucs. C'était très clunky, ça fonctionnait pas nécessairement super bien, mais le concept était là, puis il y avait beaucoup de gens qui ont trippé là-dessus. Dans le fond, c'était comme No Man's Sky avant No Man's Sky. Ben, c'est un point intéressant, on en parlait un peu offline avant le début de l'épisode, ben... mais les gens, parce que ce type d'exploration spatiale-là s'est reperdu un peu dans le 2, a fait certains retours. Non, il était là tard, dans le 2, mais il était sous forme de points sur une planète à plat. Ben, c'est ça, tu sais, ça a pris une forme différente, puis ça a créé de la controverse un peu, parce que Dieu sait que quand on parle de RPG, quand on parle de franchise spatiale, ben, il y a des fans, il y a des fanboys aussi, puis je fais partie de ces fanboys-là. La seule affaire, je me rends compte parfois qu'en étant fanboy extrême, je suis un peu plus lousse dans mes croyances envers une franchise. Le mot qui me vient en tête, c'est entitlement en anglais, là, donc l'appropriation. Ouais. Mais il y a des points qui plaisaient et qui ont attiré beaucoup de gens dans le 1. Puis on va arriver à Mass Effect 2, qui pour moi est un peu le Empire Strikes Back de la franchise Mass Effect. Sauvé par qui? L'Empire elle-même. Exactement. Mais je dirais pas ça. Là, Mass Effect 2, en réalité, là, Eric, on a bien sûr EA qui font leur apparition. Ben, c'est plus complexe. Puis là, on est rendu en janvier 2010. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Explique-nous donc ça, qu'est-ce qui s'est passé. T'as BioWare, après ça, qui sont en train... Ils décident de former un studio avec Pandemic. Puis ça, c'est une autre période weird. Mais BioWare Pandemic se forme. Mais sont formés avec l'investissement d'une compagnie, un genre de hedge fund company, en tout cas des investisseurs. Que ensuite EA achète le hedge fund. Le hedge fund. Puis maintenant, ils appartiennent BioWare, Puis Pandemic. Pandemic appartenait à EA parce que... Genre, ouais, c'était comme ils ont fait une genre... C'était weird, c'était comme un merger spécial dans le temps. Mais quand tu suivais les nouvelles dans le temps, c'était assez big parce que Pandemic, c'était un des grands studios. Pas un des grands studios, mais dans le temps, ils avaient fait Mercenaries. C'est bon jeu. Puis ils ont fait Saboteur aussi, Saboteur, qui était excellent. Saboteur, par contre, ça, c'est Cocaine and Caviar. Là, ouais. Ça, le développement de ce jeu-là, là, Pandemic s'en calissait. Là, il ridait EA jusqu'à la fin. Exactement. À un moment donné, EA était comme, OK, fuck you, la merde, on finit ça. Mais Mass Effect 2, quand ils sont rentrés, ben EA, on en parlait un petit peu au début, parce que là, ils avaient fait du réanimement. EA, ils ont acheté parce qu'ils voulaient BioWare naturellement. BioWare sort un jeu de Sonic the Hedgehog en 2007 aussi, au noter. Nintendo, ouais. Ils ont, au Nintendo DS, ils ont sorti un RPG de Sonic qui est très moyen. Puis après ça, ils se font merger avec Mythic, qui sont connus pour Dark Age of Camelot. Puis dans le temps, ils faisaient Warhammer, le MMO de Warhammer. Puis boom, Mass Effect 2. Après Dragon Age aussi. Là, t'as Dragon Age qui est sa map. Là, on est rendu à un genre de suite spirituelle à Baldur's Gate. Puis on arrive à Mass Effect 2 que, comme André a dit tantôt, vous devrez rendre Mass Effect un petit peu plus accessible. Puis c'est exactement qu'est-ce que Mass Effect a fait. Parce que moi, je m'en rappelle, quand j'ai joué Mass Effect 2 la première fois, la première chose que j'ai réalisée, c'était que quand je tirais à quelque part, je tirais à cette place-là, puis c'est devenu un shooter. En tout cas, le combat est devenu... Le shooting est devenu... très solide. Ça a tout changé pour moi. C'est là aussi qu'on a vu un peu une genre de séparation au niveau des fans, parce que les puristes du RPG, du Space Opera de Mass Effect 1, on voit le système RPG, comment je vais dire ça, avec une cure minceur où on retire beaucoup, beaucoup d'éléments RPG. Les autres, ouais. Au niveau des armes, les modifications, les trucs comme ça. Donc, il y a eu un le paquet truck, de remaniements. Le truck qui disparaît. Exactement. Le Mako qui prend le bord, puis finalement, on n'explore plus tant que ça. Ben, on va aller avec des systèmes de probes. Mais tous ces estis-là, après ça, ils ont joué le premier 25 minutes de Mass Effect 2, puis they're comme, all right, whatever, I'm in. Ben, c'est là que ça a pris une tournure où... De mon humble opinion, puis c'est sûr que je suis biaisé, je suis un grand fan de la franchise, mais EA ont su comprendre quelque chose que BioWare avait compris, mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts à sauter du tremplin. Et EA ont endossé ce produit-là avec leur nom. C'est qu'ils ont compris le potentiel de l'histoire de Mass Effect, du contenu de Mass Effect, la trame sonore de Mass Effect, Jack Wall qui fait un travail de mongol sur la franchise. Donc, ils ont compris tout ce virage-là, puis ils ont pris un virage que j'ai trouvé intéressant, où premièrement, ben Mass Effect 1, Xbox 360 exclusive, et Mass Effect 2, il a été un timed exclusive, si je ne me trompe pas, c'est pendant un an, Guillaume. Un an et deux jours, pour être exact. Un an et deux jours. My God, c'est très exact, effectivement. Merci. Deux jours, c'était sûrement juste à cause de la journée de ça. Parce qu'ils ont eu un retard sur le chemin des boîtes, là, mais. Mais pendant ce temps-là, en plus, les droits du 1, ils étaient plus en limbo maintenant. Parce qu'il y avait un problème, parce que le 1 était un petit peu appartenu par Microsoft. Ça, j'ai pas de détails là-dessus, je n'ai pas trouvé, malheureusement. Ben, mais ça serait... Il y a eu un limbo, puis ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont quand même fait un truc où, les gens qui jouaient à Mass Effect 2 au PS3, il y avait un film, de 15 minutes ou un film interactif où les gens pouvaient faire les choix qu'ils auraient fait tout au long de l'aventure du 1 pour continuer leur save, leur donner une chance justement de ne pas passer à côté des choix dans l'histoire. Donc, un sentiment d'appropriation un peu de l'histoire. Ça, c'est quelque chose aussi que tu as mentionné entre le 1 et le 2. C'est un des rares jeux, on voit pas ça souvent, mais ils le font dans le Dragon Age aussi. Mais tes choix que tu as pris puis que tes affaires que tu as faites dans le 1 se transmettent dans le 2. C'est un projet très ambitieux que BioWare ont mis sur place. La seule chose, ça a pris une tournure un peu plus tragique, cette promesse-là dans le 3, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais Mass Effect 2, en réalité, on prend notre personnage du 1, on le transpose. Petite anecdote quand même assez intéressante, puis c'est pas un spoiler. Meurt. Au début de Mass Effect 2, Shepard crève. Une autre manière super intéressante de prendre tout le monde qui n'ont pas pu jouer au 1, puis leur faire jouer au 2. Je vous donne un exemple. Vous avez fait Mass Effect 1, puis votre personnage que vous avez créé, ben finalement, vous ne l'aimiez pas. Ben, quoi de mieux pour vous comme chance que, ben, il crève au début. Fait que là, on le reconstruit. C'est pas un clone, mais le projet Lazarus. C'est un peu poétique. Ramène hein? Shepard à la vie. Fait que là, ben, quelle chance pour vous de vous refaire une beauté. et de choisir l'apparence de votre personnage. Mais aussi, comme je te dis, c'est un petit peu poétique parce que ça représente aussi le Shepard, le vieux Mass Effect meurt, là. Ouais. C'est comme, regarde, là, on a aimé qu'est-ce qu'on a fait, mais là, on va tuer ça, puis on recommence un peu à nouveau parce que c'est pas nécessairement la vision qu'on voulait continuer avec. Parlant de vision, là, Guillaume, t'as fait des recherches sur Mass Effect 2, là, puis tantôt, tu m'as dit quelque chose qui t'as semblé surpris dans tes recherches à propos des mentions de Mass Effect 2 lors de sa sortie. En fait, quand on parle de mentions, on parle de prix. Le coût, tu veux dire? Les prix, non, non, les awards. Les awards. Les trophées qu'il aurait gagnés. Méritant. Selon Wikipédia, qui est une liste assez... exhaustive. Exhaustive. Merci, Milter. Tu enrichis mon vocabulaire. J'essaie. Il y aurait eu 159 nominations et 68 prix gagnés. Je les ai pas toutes listées parce qu'à un moment donné, j'étais tanné puis j'aurais même pas eu le temps de finir mes notes. Ils ont quand même perdu 100. Metacritic de combien pour Mass Effect 2? Est-ce qu'on l'a en note? Oui, Metacritic au Xbox 360 est 96, 94 au PS3 et 94 au PC. Fait qu'on s'entend, le 90 et plus, all over the board, tout le monde a pas mal apprécié leur expérience de Mass Effect 2. Oui, il y a GameSpy, Fur GameSpy, qui a donné une note parfaite de 5 sur 5. Rest in peace, GameSpy. Et les autres, c'est du 9.5, 9.7. Parce que dans le fond, on s'entend même Metacritic. Hey, je peux prendre 2 secondes pour envoyer chier GameSpy. Je peux toujours pas aller en ligne sur Battlefield 2 à cause de vous autres, mes estis. C'est vrai, ça. Hein, c'était relié. Mais oui, donc, dans les news outlets, Major, 1UP avait donné 1 à moins. GameSpot avait donné 9 au 360. Et IGN 9.6 au Xbox 360. Donc, ça, c'est des notes quasi parfaites. Là. Ben, ça, c'est. On parle. Attends, là, je pense que je t'en C'est le 2. Le 2, oui, exact. Mm. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que toutes les nominations, toutes les choses qui se sont passées par rapport à Mass Effect, ça a été vraiment. Là, puis, on s'entend, on va parler un peu de Casey Hudson un peu plus tard. Casey Hudson, qui a été directeur sur Mass Effect tout au long. J'ai une belle anecdote à vous partager à partir de Mass Effect 3, mais en réalité, ça a été le fun parce que. On a eu une équipe de 130 personnes qui ont débuté le développement sur Mass Effect 1. Puis il y a eu beaucoup de ces gens-là qui ont été passionnés, qui ont continué tout au long de l'aventure puis qui sont demeurés là-dessus. Donc, ça a été un projet de passion de A à Z. Mass Effect 2, la raison pourquoi je le compare beaucoup au Empire Strikes Back, ils ont trouvé une manière assez éloquente d'introduire un personnage qui va avoir une répercussion sur tout l'univers de Mass Effect, le Elusive Man, qui était Martin joué Sheen. Par Martin Sheen. Donc, il y a eu des grosses pointures quand même qui se sont jouées dans l'aventure. Qui a gagné des trophées, en fait, justement, les Elusive Man, comme étant, je cite, le prix de Giant Bomb, « The character we'd most like to party with ». Wow, attends une seconde. Tu viens juste de parler de Giant Bomb? Toi, c'est pas, ça vient pas de Kind of Funny, ça. Kind of Funny n'existait pas dans ce temps-là. Ah, non! Justement, IGN, ils ont donné le best RPG pour PS3. Les prix clair. Que le Elusive Man a gagné aussi, puis Elusive Man, pour moi... Je vais faire un parallèle avec tout ce qui est animation japonaise. Je suis un grand fanatique de l'univers de Gundam. Puis une raison est simple, c'est que les méchants dans cet univers-là, on peut se rassocier à eux. Donc on peut comprendre le raisonnement qui va les driver, la motivation, l'élément perturbateur. Donc on a une sorte d'empathie aux méchants. Puis Elusive Man dans Mass Effect, c'est super un peu comme simple. L'homme à la valise dans c'est Fry. Comme un méchant dans, dans James Bond. Ben quand même, ben oui, mais non, c'est vrai. Mais c'est pas juste genre je veux capturer la lune puis tu sais c'est non, je veux sauver l'humanité. Lui c'est je veux à sauver l'humanité coups, mais à tous les prix. Ouais. Donc c'est un genre de d'élément perturbateur qui arrive dans l'histoire puis ce qui est le fun de Mass Effect 2, c'est qu'on nous force à être intimement reliés, pas intimement dans le sens sexuel, mais intimement reliés avec on peut pas fourrer sa fille. C'est-tu sa fille? C'est pas sa fille. C'est Miranda, c'est pas sa fille. Qui est la fille, j'ai pas le nom, là, je vais faire une référence, mais qui fait l'agente secrète dans Chuck, la télésérie. Total. J'ai pas son nom, mais en tout cas, ce qui est le fun, c'est qu'en plus, pour cette actrice-là, Martin Sheen a prêté sa voix à Elusive Man. Elle, elle a prêté sa voix et son corps aussi. Ils l'ont complètement numérisé. La blonde, genre, dans le jeu. La blonde dans Chuck, là, qui est l'agente secrète, là, en réalité, au début. Là. Donc, tu sais, ça a été vraiment, là, ils ont mis du budget là-dedans, le soundtrack était kick-ass. On est très intimement relié à l'ennemi, on se rend compte, tu sais, en réalité, dès le début, on nous mentionne que c'est quelque chose de louche. C'est là qu'on introduit Cerberus, qui est l'organisation de l'Elusive Man, c'est là qu'on commence à setter l'agenda, puis les briques du 1, s'emboîte très bien dans le 2, mais là, on commence à voir un larger picture, puis on comprend que Mass Effect 3 vont nous amener dans un... On est rendu dans du gros heist hi-fi, là, les intergalactic shit, comme on a parlé tantôt, là, l'histoire de Halo, un peu, là, les méchants qui veulent faire un full reset à chaque tant de mille d'années... pour faire sûr que les Zed ne deviennent pas trop intelligents. Ben, les Reapers, en réalité, on ne connaît pas encore 100% de leur motivation. On a pu en découvrir un peu plus parce que il y a eu des DLC qui sont joints à Mass Effect 2. Ouais, tu vivais le passé. Ben, on a eu beaucoup de choses qui nous ramenaient soit dans le passé, soit dans le futur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mass Effect 2, c'est dans l'apogée aussi de la controverse du DLC. Pour moi, les DLC de Mass Effect ont toujours été intéressants. On parle d'Overlord, Lair of the Shadow Broker, Arrival, Normandy Crash Site. Il y en a qui étaient mineurs un peu, qui restaient un peu de Il y en a quelques-uns qui étaient des ajouts gratuits, puis il y en a qui étaient des payants. Il y en a qui étaient inclus aussi dans les Early Access, les trucs comme ça. Mais en réalité, c'est que ça venait toujours bonifier l'expérience. Puis ce qui était intéressant de ça, c'est que si on prend Kasumi Stolen Memory, mais en réalité, ça rajoutait même un personnage qui aurait dû peut-être être là, puis ça a commencé la controverse des DLC aussi, où les gens se disaient, ben, ils ont coupé l'histoire, puis ils ont voulu nous revendre des bouts rapiécés par la suite. Sale IA à marde. Maudit IA à marde. Là, on a Jérémy Gilbert qui nous demande, y es-tu Chaotic Good, l'Elusive Man? Ben, ouais. Honnêtement, ouais, puis c'est une super de bonne analogie. Effectivement, lui, il veut sauver la race humaine à peu importe le prix. Donc, c'est sûr et certain. Là, puis Mass Effect 2, j'aimerais juste dire que ça finit weird. T'as un boss weird. Puis c'est ça. Puis ça, tu vis avec tes choix, ils ont des conséquences. Puis c'est ça, en tout cas. Moi, c'est ça que j'ai aimé du 2. C'est un peu ça le but. Oui, je sais que c'est ça le but. T'sais, on l'a pas mentionné encore, mais les Mass Effect puis BioWare, ils ont vraiment figuré une manière de faire le livre dont je suis le héros en jeu vidéo. Pis t'as tes astis de décisions de retard que tu t'attendais pas, qui te payent pas ou qui payent en crise à la fin de ce jeu. Qui te font recharger ta game puis refaire le 2 heures. Ouais, que tu parce que t'es pas comme, le choix. Je veux rien savoir, non, il était pas supposé de mourir, lui, là. Hey, mais c'est ça qui est. T'as pris une couple d'informations inusitées aussi, là. Oui. Mass Effect 2, là, je vois des stats dans les notes que t'as pris sur le jeu. Puis je t'inviterai à en partager quelques-unes, surtout au niveau du voice actor, là, puis des trucs comme ça. Oui, ben je vais commencer tout simplement par dire que chose qu'on voit peu, ben qu'on voit parfois, mais quand ça arrive, normalement, c'est signe que la suite va flopper. Quasiment toute l'équipe qui a travaillé sur le Mass Effect 1 n'est pas revenue pour Mass Effect 2. C'est vraiment quelque chose que normalement c'est un peu inutile. Non, j'ai pas réussi à trouver l'information. C'est une équipe qui s'est faite dessous un peu. Je sais pas si parce qu'il y a eu ça rentre un peu dans les mouvements avec les fusions. Il y avait eu, tu sais, EA est arrivé puis il a comme fait des divisions RPG MMO, il a fait des divisions action. C'est qu'il y a eu du remaniement à ce niveau-là. J'imagine qu'il y a eu aussi des Golden Parachute, il y a eu plein d'autres trucs. C'est pour ça qu'on les aime, EA. Non, mais il y a eu plein... Mais ils ont gardé les têtes dirigeantes en réalité, mais le core team a parti. Exact. Puis si on regarde... Parce que BioWare, en plus de ça, ils se splittaient à Austin. Austin s'occupait de The Old Republic. MMO, ouais. Mais ce que je vais donner un exemple plus concret, peut-être pour expliquer aux gens ce que je veux dire. Deus Ex, on va prendre un exemple qui n'est pas relié avec Mass Effect. Deus Ex Human Revolution. Ion Studios. C'est Eidos Montréal. Non, c'est Ion le premier. Oui, mais c'était la même c'était équipe. C'était dans le temps, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom, là, mais c'est un des grands makers de jeux qui a fait ça. Oui, ben, l'équipe c'était à Montréal. Miyamoto. Le premier dans Deus Ex. Deus Ex Human Revolution était fait à Montréal. Ah oui, ok, mais pas le premier Deus Ex. Pas l'original, c'est le reboot. Ensuite, la même équipe. On paper, la même compagnie a fait Thief, mais tout le monde était parti, tout le monde avait changé. Thief a été, comme on le connaît, un flop total. Et pour revenir à Humankind, ils sont revenus à la recette originale. Ils ont ramené du talent. Ils ont fait plein de choses comme le premier. On ne rentrera pas dans l'histoire de le involvement de Square Enix qui a fait que, en tout cas, Humankind est une autre chose. Mankind Divided, je veux dire. Mais mettons qu'on revient à Mass Effect. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand ça arrive, Warren Spector, ça ne marche pas, ça foire. Là, malheureusement, ça, plutôt, je veux dire, heureusement... c'est tout du nouveau monde. mais ils ont vraiment poussé la machine. Il y a eu un gros support, tu sais, des têtes dirigeantes, comme on disait, tu sais, tous les writers, les directeurs, les réalisateurs, toutes les têtes pensantes sont restées. On parle de 90 voice actors pour jouer 546 personnages. On parle de 25 000 lignes de dialogue. Juste donner un exemple, là, 25 000 lignes de dialogue, là. Ça, c'est beaucoup plus que dans Gex au 3DO. Sur Wikipédia, il en parlait, c'est... Je vais essayer de retrouver les données rapidement. Là. 500 pages. Mais non, c'est comme l'équivalent de 4 à 6 romans, ou c'est l'équivalent de comme 3 films. C'est vraiment plus gros. Des fois, ils disent, oh, le jeu vidéo, c'est comme le média des pauvres. Ça dépend du film. C'est comme moins classique, c'est moins de qualité, mais il y a du contenu vraiment plus... poussé que ce qu'on pourrait l'imaginer, surtout dans des productions de gros déploiements comme Mass Effect, Mass Effect 2. Puis Mass Effect 1 avait déjà révolutionné l'industrie. Il y en avait 20 000, tout le monde capotait, puis ils ont dit on va en mettre encore plus. Puis pour avoir joué aux deux, parce que moi j'ai commencé avec le 2, là je commence le 1 en ce moment, grâce à des idées d'André là, avec des, pour modifier le jeu, le rendre plus moderne. Tu sais, c'est pas lourd. Tu sais, c'est parce que tu verras pas, c'est pas un, mettons, Metal Gear Solid 4, où ce que t'es écrasé devant ton écran pendant comme 45 minutes puis tu fais rien. C'est que tout est interactif, tout se passe en même temps, tout est, dont vous êtes le héros, pis tu te sens pas comme, ah ben, j'écoute une émission de 45 minutes pendant que je fais rien. C'est naturel, le flow est très bon, pis ça paraît pas comme une espèce de, oh, on a mis play juste pour comme, name drop, dropper un chiffre. Là, si tu permets, justement, au début du 2, dans la scène tout simplement initiale où le Normandy se fait attaquer, puis Shepard crève carrément. Tellement écœurant comme ça. Moi, je trouve cette scène-là est cruciale dans l'histoire, mais est aussi un bon exemple de ce que le studio a réussi à faire au niveau de l'interactivité. C'est que un vidéo, un cutscene, parsemé de certains choix de dialogue qui vont avoir un incident sur l'histoire un peu plus tard. Là, ça joue tout seul, intéressé. Ça revient, là, whoop, il y a une partie où... Puis c'est des fois des détails qui sont totalement anodins, mais le Normandy, en plein centre, il se fait tirer dessus, puis ça enlève le dessus du vaisseau. Donc, la scène initiale se passe à l'arrière du vaisseau. Cette scène-là. On est là, ça se fait tirer dessus, on interagit avec le personnage, bing-bang, la cutscene finie. Puis là, c'est nous qui doit traverser, en apesanteur, la partie du vaisseau qui est exposée. Puis, ça m'est arrivé à chaque fois que je joue, puis je l'ai refait encore quand j'ai recommencé le jeu, mais j'arrive en plein milieu, puis je fais juste utiliser le joystick pour regarder en haut. Puis là, on voit les débris qui se promènent. Puis là, si t'accroches un débris avec ta tête, ça repart. Puis, au niveau de la production sonore, le son arrête. T'entends juste le respire de Shepard dans son masque. Ouais, parce qu'il est dans l'espace. Donc, l'immersion est là. Puis ensuite, on arrive à l'avant. T'as Joker qui veut pas abandonner le vaisseau, etc. Donc, je trouve que ce que tu dis, Guillaume, c'est très vrai, parce que moi, des jeux de Kojima... avec tout le respect que j'ai pour Kojima, mais regarder un cutscene de 45 minutes ou de 30 minutes, ça tue, je suis pas capable. Je suis pas capable. Faut que j'aie de l'interaction parce que même pas s'il donne un robot qui te laisse fouetter du shit. Même pas. Mais en réalité, tu sais, c'est ça. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis ça a été une belle dualité que BioWare et EA ont réussi à apporter là-dedans. Guillaume, oui. Il a fallu que le staff se lave les mains assez souvent aussi, je pense, lors de la création de Mass Effect 2. On se lavait les mains comme il faut. On respectait des consignes. 365 jours de maladie qui ont été pris par les différents membres de l'équipe. On va faire un petit recul dans le temps. On se rappellera le début des années 2010. On a eu le droit à, tu sais, la grippe porcine, la H1N1. C'était comme let's go, on a plein de virus. Ouais. Puis les conspirationnistes de ce monde diront que c'est des créations des Illuminati. Alex Jones, il l'a dit, man. Mais tout ça pour dire que l'équipe de développement a perdu l'équivalent de 365 jours de maladie dans le flot de production. C'est un an, là. Mais sur combien, en plus? Ben, c'est une équipe complète de production. On parle d'au-dessus de 200, là. Ben, fait que c'est deux jours. En réalité, c'est comme si Tom aurait fait comme « Bon, ben, boys, bonne année. » Puis il serait parti. Sauf qu'il perd un gars pendant l'anneau complet. Un an de prod, c'est quand même... Parce que souvent, on s'entend, tu sais... c'est du traitement parallèle, là. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui fait des animations, l'autre fait des textures et tout, mais du développement de jeux vidéo, c'est super, tu sais, il y a un crunch de temps, t'as des restrictions, le publisher, le marketing, faut que tu sois prêt avant telle date, puis ils ont réussi à finir under budget. On s'entend que les budgets de production sont un peu privés, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir facilement, et ils ont pas officiellement repoussé le jeu à cause de ça, donc ça n'a pas eu d'impact. C'est quand même un achievement très intéressant d'avoir pu réaliser tout ça malgré tout, là. toujours des faits divers qui ressortent des fois qu'on s'attend pas à ça, mais effectivement, tu sais, se replacer en 2010, là, hey, 2010, la H1N1, il y avait la crise économique, il y a eu les crises économiques, tout le kit. Parlant de crise économique, justement, Mass Effect 2, 2 millions d'unités vendues worldwide dans la première semaine. Jamais... Si on combine le premier puis le deuxième chapitre, ben, plus de 7 millions d'unités vendues. Donc, c'est un hit. Ça fonctionne très bien. Et ça a été quand même une franchise marquante dans l'histoire du jeu. Ouais, là, Mass Effect vient de s'officialiser comme une franchise viable et fonctionnelle qu'on va voir une suite. Puis, juste donner un exemple, là, oui. Je me permets. Là. On n'a pas encore parlé des stats de Mass Effect 3, là, mais Mass Effect 3, qui a vendu 3,5 millions d'unités, qui est très semblable à ce qu'on vient de dire. À part du fait que c'est la moitié de moins. Non, mais c'est ce qui est 3,1 au début. C'est ça. C'est 2 millions première semaine pour Mass Effect 2. Puis là, on parle de 3,5. 3,5 pour le 3, mais okay. C'est 3,1 pour le 2. Puis c'est si tu combines le 2 avec le 1, en tout cas. 3,5 millions, ça a donné 3,5 millions d'unités vendues, ça a donné 200 millions de dollars de revenus à l'entreprise, là, EA/BioWare. C'est, good. Hey, c'est du gros cash. L'argent là. Qui va chez EA, c'est mieux pour toutes les games. Non, mais c'est du gros cash. Là. Puis honnêtement, c'est ce qu'on peut appeler un succès. Je pense pas qu'ils aient perdu de l'argent avec la production de ces jeux. Contrairement à Pandemic, eux autres. Contrairement à Pandemic, feu Pandemic. Mais petit fait d'hiver, Mass Effect 3, on va pouvoir entrer là-dedans. Donc, Mass Effect 3 en mars 2012. Mais avant qu'on on embarque... Ça c'est-tu après, ça? Ou ouais, ça va être okay, après. Ouais, ça s'en vient dans pas long, justement. Pas après. Donc, en mars 2012, là, on a Mass Effect 3 qui doit sortir. Premier fait d'hiver... Mass Effect était supposé de sortir en 2011 parce que ben on voulait également on était prêt à le relâcher, on était prêt à offrir la prochaine expérience et ben il est arrivé quelque chose de quand même intéressant pour un motif que les gens ne perçoivent pas toujours, mais 2011 a été une année quand même assez incroyable pour EA BioWare. Il y a eu beaucoup de revenus qui étaient au résultat et les actionnaires ont fait leur année fiscale assez rapidement. Donc ce qui s'est passé, on appelle ça un release date shift dans l'industrie où ben il n'y avait pas besoin de sortir Mass Effect 3 en 2011 parce que la fiscale était déjà là et les gros suits en haut faisaient déjà leur bonus. Moi, j'aimerais leur remercier pour ça. Ben effectivement, parce que l'incidence que ça a eu, c'est que pour des raisons fiscales et financières, puis il y a beaucoup de gens qui reprochent à EA d'être une compagnie au cash. Par contre, ce que ça a fait, c'est que... Je veux pas leur faire de la peine, c'est une compagnie. Ben exactement. Et par définition, une compagnie doit faire de l'argent. Mais le motif suivant... Moi aussi, je dois faire de l'argent. Ben tout le monde doit faire de l'argent. Sans ça, on pourrait pas acheter nos jeux. Ouais. Mais le motif derrière ça, c'est que on a pas besoin de cash là, mais l'année prochaine, on va peut-être avoir une situation plus difficile, donc on va attendre pour sortir Mass Effect 3. Ce que ça a fait, par contre, c'est que ça a permis à l'équipe de production d'offrir un DLC qui était gratuit, inclus avec Mass Effect 3 pour les gens qui ont acheté le Collector's Edition, excusez-moi, c'est nous permettait justement d'incarner les Proteans, qui sont une race assez importante dans Mass Effect. En réalité, les Proteans sont la base de tout conflit dans Mass Effect. Ça nous a permis aussi également d'avoir un ajout multiplayer assez intéressant dans Mass Effect 3 que j'ai passé fait beaucoup de temps dessus. Fait à Montréal, qui est un proof of concept qui avait pas nécessairement tout qui avait bien planifié de le mettre, mais finalement, ben vu qu'ils ont eu le temps, ils l'ont peaufiné puis ils l'ont inclus et ça a super bien fonctionné. Ça a un effet sur ton single player aussi. Exactement. Parce que tu bâtis, parce que l'histoire de Mass Effect 3, je sais pas si on s'en bat. Moi, je vais juste dire, Mass Effect 3 est sorti au mars 2012. Oui. Cet été, la semaine que ça a sorti, je vous explique, faut anecdote vite faite. J'ai ma pre-order de la version Collectors au PC qui sort. Je commence mes vacances. J'achète ce jeu-là, mon premier jour de vacances, mais je peux pas jouer parce que je vais aller faire une visite à Toronto voir mes amis. En sortant d'un Red Lobster après avoir bu une coupe de bière, je glisse dehors avec mes cheesy buns, tu sais, c'était jamais mangé un Red Lobster là, des biscuits là à l'ail puis au fromage, j'étais écœurant. J'avais ça dans mes mains, j'ai glissé. J'ai eu une fracture Maisonneuve, j'ai pété ma cheville, puis j'étais en congé de travail pour 5 mois après ça. Fait que moi, j'ai bien aimé Mass Effect 3. Effectivement. Mais c'est pas tout le monde qui a partagé ton opinion. Il n'y a pas grand monde qui a... Ah non, moi, j'ai eu la chance de jouer Mass Effect 3 sur du oxycodone. C'est ça? Oxycodone. C'était vraiment le fun, Mass Effect 3. Puis c'est pour ça qu'on en parlait là, cette semaine, mais j'ai recommencé à jouer à Mass Effect 3. Moi, je l'avais juste fait d'une shot parce que j'avais rien d'autre à faire. Puis je l'ai jamais retouché depuis. Puis là, je tentais de leur jouer, puis on dirait que j'ai des flashs. Je suis comme, ça me rend donc bien chaleureux, cette scène-là. J'ai des flashs de Oxy. Ben, justement, tu te rappelles ces moments-là. Milton, toi, t'as pas eu la chance de participer à Mass Effect. T'as jamais joué. J'ai regardé. Mais t'as regardé, justement, puis t'as eu le temps de nous préparer quelque chose, toi, ce soir-là. Ben, moi, on voulait que tu participes. Je m'ai fait une petite recherche. OK. Puis je m'ai dit, ben, c'est un peu inspiré de Star Wars. Mm-hmm. Fait que Star Wars, ben, c'est un film. Puis c'est un film qui se passe dans l'espace, avec plein de races, puis des affaires de même. Fait que je me dis, je vais aller observer les races dans Mass Effect. Par race, tu veux dire les extraterrestres? Ouais, ouais, les races, les autres races dans le jeu. Là, comme OK, les êtres vivants de provenance diverse. C'est ça. D'accord. Les races. Fait que là... Pour une fois, non mais, non, pour mais une fois qu'on peut utiliser le mot race dans sa bonne façon. C'est ça. Ben oui. Et non... Mais là, t'as fait des recherches là-dessus. J'ai regardé ces extraterrestres racisés-là, que j'ai regardé, qui n'ont pas de privilèges. Et eux, j'ai regardé des photos, puis tout, puis j'ai checké de quoi qu'ils ont l'air, les inspirations. Puis tu sais, tu regardes des fois, tu fais comme lui, il me semble qu'il y a de l'air de ça, tu sais, il y a de l'air de ça. Puis je me dis, si il était pour faire un film de Mass Effect québécois, avec des vraies personnes, pas comme le film qui ont sorti de Mass Effect qui est en genre animation, là. Ouais. Ben, avec des vraies personnes, je me dis qui pourrait bien les interpréter d'après moi. C'est fait un genre de casting, le Mass Effect. Un casting un peu comme les geekers feraient, mais tout seul. Puis j'ai juste le choix à moi. Fait que c'est lui qui gagne automatiquement. Bon, ben. Mais vous pouvez en parler, le discuter si vous voulez. Mais j'ai peur et hâte en même temps. Non, c'est pas si pire, là. Y a les, tu me diras, tu me corrigeras si j'ai dit comme faux. Okay. Parce que je ne sais pas, j'ai jamais joué. Des Krogan. Oui, les Krogan, qui sont Krogan. Les genres de grosses, brutes, galactiques, qui peuvent pas se reproduire dans le film parce qu'ils ont été attaqués d'un virus. Ah, mais ça crée un génocide. Ça tombe bien, parce que ça me fait penser, comment tu l'as décrit à la personne que j'ai choisie pour interpréter... le chef Krogan, des Krogans, comme la version québécoise va les appeler. Oui, ça c'est sûr. Excusez. Il ressemble à des grosses chauves-souris, hein, dans le fond. Ben... des aliens. Sans les peu. Ailes, ils ont une face un peu. Je veux dire, Puis moi, il me faisait penser à des Jabba de Hutt Meg, qui avec des jambes, là, tu sais. Ouais, avec des petits bras, là. Ouais, des petits bras, une face un peu alien, Man-Bat dans Batman. Ouais, OK. Puis je m'ai dit, la personne idéale pour interpréter ce rôle-là serait Safia Nolin. S'il peut pas vraiment se reproduire, il a une face pas malade. Il a quand même dit à la méthode des geekers en premier, hein, on tient à dire. Non, mais c'est la face, c'est l'image que j'avais, genre, quand ah, j'ai tabarnak. Vu les... J'ai checké sur Internet, oh. OK, puis... le pays, ça a du sens. Ben ouais, mais c'est ça. Oh, fuck. OK. Fait que... j'ai hâte à la suite. Il y a les Salarians. Salarians, qui sont des genres de aliens au gros... C'est l'équivalent des Grey. Tu sais, les aliens gris, là, moi, avec les gros yeux. Moi, c'est un peu yeux, ça que j'ai dit. Je trouvais que c'était des classiques aliens comme le film Paul. Ouais. Ou comme... un peu comme tu dis, là, tu sais, le classique... ouais, c'est la rencontre d'un troisième 54, type. 51, là, ouais, gris. Area 54. 54. C'est là qui danse le disco Humans pendant qu'il... Humans Must Die. Là, c'est ça. Studio 54, tout. Puis, ce que je trouvais drôle, c'est quand je le disais en français, c'est comme des gens suprémacistes blancs, c'est des salariens. Okay. Fait que c'est des sales ariens, la race arienne, le monde. Ah, boy. C'est un jeu de mots. Puis, j'ai pris James Inman. James... James Inman? Inman, ouais, Inman, Inman. Inman, tu le maquilles en gris, là. Ouais. Puis, il y a comme le long cou, pas de cheveux, tu sais. Il y a le look d'un... Ben, pas de cheveux, il l'a déjà, ça, là. Ben, c'est ça. T'as ouais. juste le maquillage à y crisser dessus. Ouais, tu le pitches dans poudre, là, puis il doit être habitué. Et ouais, ce gars-là. Tu le roules là-dedans, puis il est comme maquillé, prête. Ah, oh, tabarnak. OK, bon, c'est, ça date, c'est le fun. Les Reapers, c'est pas vraiment une personne. Ben, c'est comme c'est un robot poisson. C'est les méchants qui font. C'est des pitons. C'est des robots purement synthétiques. Qui détruisent tout dans leur vie, dans leur passage. Mais ils ont l'air des genres de vaisseaux. Ouais, mais c'est des vaisseaux, c'est genre, ça. C'est comme des tentacules. Exact. Moi, ils me faisaient. Ben, vu que c'était un vaisseau, tu sais, j'avais pas vraiment personne pour le faire, tu sais. Okay. Mais je m'y dis, ça me fait penser à Dr. Zoidberg. Ouais, la face de Zoidberg. Moi, juste une face métallique de Zoidberg. Puis, je m'y dis, ça pourrait être voice actoré par Edgar Fruitier. J'avoue que la voix... Attends un peu. Les Reapers, dans le fond, là, la voix synthétique qui détruit tout, qui cause la peur absolue, c'est Edgar Froutier? Ben, Megatron et Transformers étaient voicés par Edgar Froutier dans le temps. Fait que, pour moi, un gros robot qui détruit tout, evil, ou well played. Fuck, c'est Edgar Froutier. C'est Edgar Froutier. Génial. Les Turians. Ouais. Turians qui sont l'équivalent des chats galactiques. Moi, ils me font penser à des aigles. Ils ont comme des nez étirés. Un chat aigle, weird. Ouais. Ouais, ok. Les femmes sont sexy. Oui. Mais moi, le principal, surtout à cause du nez, puis tout étiré. Le principal Turian. Ben non, pour moi, là, je parle le look principal de base, là, ça serait basé sur le physique de l'acteur David LaHaye. Je sais pas si je le vois en crise. Il ressemble à Legolas un peu. Ah, oh, calice. Mais dernièrement, il ressemble à Legolas. Il a la même coupe de cheveux que dans le film de Lord of the Rings, mais brun. Mais j'avoue que David LaHaye, je le vois. Okay. Oh, tu l'as pas dit, André. On parle de Legolas. Il y a d'un aigle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Legolas? Quoi? Ben. Ton man crush encore? Mais non, mais habituellement, il dit toujours la chanson, au moins. Non. Je vois pas de quoi tu veux parler. Essaye, toi. Les sorties. Là, il y a les drills. Les drills. Ça se peut-tu? Hein? Les drills. Les drills. Drill. D-R-E, c'est ça qu'on se dit. Attends, D-R-E-L-L, ouais. C'est qui les autres déjà, les drills? C'est ceux qui ressemblent à des reptiles. Oui! Ah, Tain! Puis, c'est ça. Quoi de mieux? Tain qui a déjà gagné un prix. Pour meilleur personnage aussi. Ouais. Quand on parle de reptiles au Québec, on parle de qui? Je sais pas. Sophie Thibault. Fait que... Ah, ben oui, parce qu'elle est reptilienne. C'est une nouvelle, c'est une reptilienne. Fait que Sophie Thibault, coûte reptilienne. Coûte pas cher de make-up, c'est crédible, elle connaît son rôle. Comme... Non, mais c'est... Elle move de gorge qui shake. Oui, honnêtement, il me fait penser... Ça, c'est rien de québécois, là, mais dans l'espèce de d'homme-poisson dans le film. Hellboy. Hellboy. Je regarde, puis ça me fait vraiment penser à l'homme-poisson dans Hellboy. Clair. Sauf que lui, par exemple, il est mourant. Oui. Fait que lui, dans le fond, il s'en fout de faire sa mission suicide. Ouais, parce que Tain. Tu veux le sacrifier. Oui, c'est vrai. Ou pas. Mais ouais, tout ça pour dire que Sophie Thibault. Sophie Thibault, bon choix. Ou que tu y rases la tête. Ouais, mais c'est pas grave, c'est du make-up. Hein. Faudrait que j'essaie de faire un genre de montage des personnages et de casting à droite. T'sais. C'est une reptilienne. Moi, je vais faire ça en Photoshop. Je te laisserai mes notes. Oui. Je te laisserai mes notes. On va les prendre en photo. Il y a Attends, si je t'ai rendu. Il y a les Milter, je te coupe avant que tu continues. J'aimerais juste faire une mention spéciale. Milter, il est très bon à prendre des notes. Continue. J'ai jamais joué au jeu. Je non, non, je sais, mais je veux juste dire, à chaque fois que tu es dans mode prenage de notes où tu fais des notes, Milter, il est très bon, c'est ça. Je sais quoi. Excuse-moi. Fait qu'il y a les Rachni. Les Rachni. Rachni. Ouais, les Rachni. En réalité, là, ça, c'est des genres de grosses araignées que tu peux sauver des dans le 1 ou détruire. Genre, c'est comme bibitte. Des grosses coquerelles bibittes weird. Moi, je me dis, le petit Jérémy, il serait parfait. Il est tout croche. Il y a la face pour... Ça ou Martin Deschamps, dans le fond. Tu... Ouais. Ça pourrait être popé, j'avoue. Guillaume, il y a des bonnes idées. Mais d'après moi, Jérémy est plus rapide que Martin. Genre, puis ça a l'air de bouger vite, ces affaires-là. Ouais. Ça ben, mais ils ont une intelligence collective aussi, qu'une reine. Comme petit Jérémy, il se partage ça avec d'autres mondes qu'on voit pas. Ouais. Juste lui qui les voit, je pense. C'est comme une crevette tueuse. Les Quarians. Ouais, eux autres, c'est des gens qui ont un soute pour se protéger de tous les virus possibles. Parce qu'ils vivent dans des vaisseaux spatiaux. C'est aussi des dicks. Je dis ça de même. Ben, ça tombe bien avec la personne que j'ai choisie. C'est eux autres qui ont créé les Geth, qui sont un des éléments. C'est des estis de retardés. Puis quand c'est le temps qu'on leur demande de l'aide, c'est des estis de fucking. Ben, moi, il y avait de l'aide d'une gang de faibles. À part de la. C'est qui la fille dans le 3? Talizora. I'd hit that. Masque pis tout, là. Fuck. Ça vient... Fait que les Quarians, Joe? Peux-tu? Ben oui, vas-y. Ben, Eric est en train de parler de quel bonhomme qui veut fourrer. Eric fantasme... non, mais attends un peu. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est parle qui fantasme, c'est Quarians. Mais Joe, quel est ton choix pour les Quarians? Les Quarians, ils me font passer à des gros jellyfish mou, faibles pis tout. OK. Pis on dirait... Tu sais, on s'entend Aquarians. OK. Ils sont comme faits en eau. Pis tout. Fait que j'ai pris Penelope McQuaid. Parce que Elle ressemblait, je trouve, à celle que j'ai vue. Elle a l'air toute faible, puis je pense qu'elle a déjà eu le cancer ou de quoi. Je pense qu'elle a la coupe de cheveux qui fait dans un casque. Ça rentre dans un casque. C'est le genre de coupe de cheveux qui mettent le casque, qui passe le clipper autour, puis après, ils continuent de mettre le casque. Fait que, c'est ça, là. Tu sais, je trouvais qu'il ressemblait, puis quand Eric qui dit t'es dicks, toujours à l'aise avec ça, ou? C'est des dicks. Non. Non, je préfère mon idée. Hein. Ouais. En tout cas, c'était pas la mienne. On y va au Québec, là. Vas-y, il y a les Asari. Oui. C'est, il cache ses notes, je regarde, puis il cache. Eux autres, ils me font penser un peu à Ayla, c'est Kira, c'est ça, dans... Quoi? Dans Star Wars, la fille bleue. Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, hein? Ayla. Ça se peut. Mais en réalité, les Asari, c'est un peuple psychique... matriarcat à côté. C'est des femmes parfaites, supposément. Puis ils flashent, d'après ce que j'ai lu, ils veulent flasher comme des peacocks, comme des pans. Ouais, ouais. Puis. T'as-tu lu un fan erotic site ou t'as lu les Wikipédia? Peut-être. Mais je pense qu'il y a bien du fan érotique de ces. De cette, c'est cette, peut-être cette, pour ça que c'était marqué sur un site de fan forward partout ou que je checkais à job. Mais moi, j'ai mis dans ça Abeille Gélina. La sœur à Mitsu. Ouais. Ouais. DJ. Oui. Ben, je sais pas, elle fitait bien toute la description que je lisais. J'étais quand j'avais ben, là-dedans. Puis elle doit pas coûter trop cher. Non, mais elle fait des annonces de. Elle est pas genre power féministe matriarcat, cette fille-là, pourtant. Moi, je pensais que t'allais dire genre Judith Lucie ou quelque chose de même. Je parle pas de ça. Moi, je parle de côté femme parfaite qui aime flasher. Oui, mais c'est ce que vous aviez parlé. André parlait qu'Assari, ouais, c'était comme. Leur société, mais il y a personne qui veut Judith Lucie dans sa gang, tu sais. Elle chiale tout le temps. Oh, tabarnak, ça finit quand, ça? Mais il m'en reste deux. Ah, OK! Il y a des... C'est quoi? Des YAG? Des YAG? YAG. Épelle-le. YAG. Je me souviens même pas c'est quoi. Ils ont des grosses faces d'araignée comme prédateurs. Ouais, c'est ça, je te montre ça. Ils ressemblent à... Moi, j'ai pris Marc Labrèche. Oui, oui, oui. Parce que... Marc Labrèche. Ben, il a déjà la face un peu maganée. Puis j'avais l'autre, là... Claude Blanchard? Que non, que tout le monde aime. Marcel Leboeuf. Oui. Mais dit, ces deux-là ensemble avec assez de make-up, on peut leur arranger la face pour ressembler à un YAG. YAG. Sauf que les YAG, en général, ont une stature très potelée, petite. Ouais, mais ça, des épaulettes de football, puis tout ça, ça arrive. Ah oui, mais je pensais que tu allais dire Didier Lucien, c'est pour ça. Et non. La grande finale? Ben, c'est des Elcor? Les Elcor, c'est des genres des de éléphants gros... pas de trompe. Ouais, des éléphants pas de trompe, mais eux autres, c'est hot en plus parce qu'ils ont une voix très monotone dans le jeu. Puis ils sont obligés de dire quelle émotion ils ressentent en parlant. Tu sais, maintenant, ils vont dire « excitement ». Puis là, ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont okay. dit. Pour que les autres races, parce qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'est-ce ils veulent pas vexer le reste du monde. Ça fit avec un de mes deux choix, ça, par exemple. Ouais. Ça fit avec Hugo Girard. Aucune intonation, gros tata. Comme... On parle du gars d'Awatatador qui est mort, là. Non. Hugo... Oh non, le monsieur Muscle. Qu'est-ce Hugo? Hugo Saint-Cyr. Hugo Saint-Cyr. Non, moi, je parle d'Hugo Girard, le gars qui fait les annonces de BMR. C'est ça. Puis l'autre, c'était Antoine Bertrand, qui pourrait être comme le plus vocal des deux. Ouais. Mais là, tu me dis que c'est beaucoup dans le... Ouais, ils ont pas d'émotion. D'émotion, Hugo Girard. Avant qu'on continue à 3, là, je prends 2 secondes. André, tu vas répondre par un simple oui ou non. Okay. Ça va prendre 25 secondes, qu'est-ce que je vais faire, là. OK, dans Mass Effect, ouais. Tu vas juste répondre oui ou non à chaque fois que je dis le nom de la race. OK. OK? Puis la question est... Dans Mass Effect, est-ce que tu peux fourrer un Krogan? Je suis pas sûr. Un Salarian? Je crois que oui. Un Reaper? Non. Pas encore. Un Turian? Oui. Un Drell? Je ne crois... Drell, c'est Tain, hein, ça? Ouais. C'est le serpent Sophie Thibault, oui. Oui. Un Rachni? Arachni? Rachni, non. Pas encore. L'araignée. Un Quarian? Quarian, oui. Oui. La meilleure partie de ça, c'est André qui regarde dans sa tête comme oui, non. Non, mais dans ma tête, honnêtement, ça fait genre quand j'ai joué, j'ai-tu okay, fou okay. Un Asari. Asari, oui. Oui, absolument. En fait, t'en as plusieurs même que tu peux. Un YAG. Un YAG. Le YAG, c'était lequel, ça? C'était celui avec Marc Labrèche. Ouais, pas que je pense, je sais pas. Puis le Elcor, les éléphants sans trompe. Là. Hey, écoute, je sais pas, mais j'ai vu du fanservice de ça sur YouTube. All right, excuse, c'était mon petit bit imprévu. Donc, on vous invite à faire des recherches sur YouTube, Google, et nous corriger si André s'est trompé dans ses... Non, je l'ai pas fait, mais j'invite les gens à le faire juste pour le fun, puis ils vont peut-être nous trouver des perles de l'Internet. Le monde, ils n'ont pas besoin de checker, ils savent déjà. Fait que là, ben justement, on va closer avec Mass Effect 3, puis ensuite, on y allait avec nos prédictions pour Andromeda. Mais Mass Effect 3, en mars 2012, la fin d'une trilogie, la fin de ce que beaucoup de gens croyaient être la fin de la franchise, tout simplement. Bonne nouvelle pour nous, ben Andromeda s'en vient. Ça appartient à EA. Ça va finir. Ils l'ont remis une couple d'années, puis en 2017, fait que 5 ans de production sur le prochain c'est volet. C'est pas Kingdoms of Amalur, The Reckoning, ça-là. Là. Mass Effect 3 est pas un Return of the Jedi. Mass Effect 3 est dramatique. Mass Effect 3 est une finalité. Et très artsy. Mass Effect 3 est très artistique. Ouais. Mass Effect 3 est très controversé aussi également. Moi, je vais vous partager une petite anecdote dans ma vie. J'ai eu la chance d'aller au E3 à quelques reprises. Puis, Mass Effect 3, il y a une des scènes au début du jeu où la Terre se fait attaquer. Par les Reapers. Par les Reapers. Donc, Mass Effect 3, là, c'est carrément... c'est pas... ça fait deux jeux et quelques années, en fait, ça va faire déjà 5 ans que Shepard, le protagoniste du jeu... crie à tout le monde, les Reapers s'en viennent, tout le monde fait comme ta gueule, Shepard. Ouais, la citadelle qui est genre le point central de toutes les races, parce que t'as le comité principal, les autres nous disent toujours que on dit de la merde. Exactement. Puis là, ça chie, puis c'est qui le premier target? La Terre! Fait que la Terre, Shepard, qui peut dire I told you so, mais qui le dit un petit peu de travers. Une des premières scènes du film, j'ai eu la chance de la voir du film du jeu. Ben pour moi c'est un film. Ouais, c'est un film. En fait, c'est un film interactif, ce qui est encore meilleur. Mais j'ai eu la chance de voir ça Behind Closed Doors avec Casey Hudson justement au E3. Donc la raison pourquoi je veux expliquer ça, c'est que je veux que le monde comprenne à quel point il y a des gens passionnés dans l'industrie du jeu vidéo qui travaillent, puis on prend pour acquis parfois. C'est une scène tout simplement où Shepard croise un petit kid, tu sais, la Terre se fait attaquer, tout le kit, il y a un enfant qui essaye de sauver par tous les biens qu'il peut parce que là la Terre se fait attaquer, puis Shepard essaie de sauver le kid, puis le kid il est comme fuck off, je te fais pas confiance, je sais pas, puis il se sauve dans des conduits d'aération pédophile. Puis à la fin de ce segment là tu vois juste le kid embarquer dans une navette et la navette décolle, puis les Reapers la shut down. Une de ces tunes là est chargée d'émotions, c'est une petite tune avec du piano, c'est vraiment bien fait. Sur le soundtrack de Mass Effect 3 sur Spotify, allez la regarder, c'est vraiment incroyable comme musique. Puis moi j'ai eu la chance de voir ce segment-là Behind Closed Doors. Je suis un fan de Mass Effect, donc déjà juste de voir ça, pour moi je suis hypé fois 1000, je capote ben raide, je me demande un peu qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite ben je me fais présenter la scène par Casey Hudson. J'étais assis dans la première rangée. Je vois ça. Le monde ne sait pas c'est qui Casey Hudson. Casey Hudson, c'est le directeur de la franchise Mass Effect. Voilà. Il s'est occupé des trois titres. Il a participé très activement aussi à l'élaboration. Guillaume, je te vois lever la main. Oui, mais en fait, je m'allais dire que... Tu m'allais dire c'est qui Casey Hudson. Non, c'était le director / creative director en arrière de tout ça. Mais a quitté BioWare après la sortie de Mass Effect 3 pour aller travailler chez au développement de HoloLens et chez Microsoft Games. C'est un passionné là-dessus. La tune que je vous parle, elle est sur le soundtrack de Mass Effect 3, ça s'appelle Leaving Earth de Clint Mansell. Sam Hollick, Clint Mansell, Jack Wall, c'est des gens qui ont fait beaucoup de musique pour Mass Effect. Mais une tune, juste en écoutant la tune, vous allez comprendre le type d'émotion qu'il y a dans la salle. Vous allez comprendre aussi le type, parce que là, on est des passionnés. Il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont faire « C'est ça, vous aviez une émotion ensemble? » Ben, ouais, il y en avait une. Puis, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'en parlant avec Casey Hudson, après, moi, je prends la chance, je me dis, on est 15 dans la salle, il serre la main à tout le monde. Donc, tout le monde qui arrive à la fin, puis moi, je la regarde, je fais « Hey, écoute, merci d'avoir créé, tu sais, participé à Mass Effect, merci de nous offrir ces jeux-là. » Puis moi, je trippe. Fanboy ben red, j'ai eu deux moments de même dans ma vie. J'ai rencontré Cliff Bleszinski, justement, puis je l'ai remercié pour Gears of War, puis là, je rencontre Casey Hudson. Pas pour Commander Keen? Non, pas pour Commander Keen, pour Gears of War. Et Jazz Jack Rabbit. Mais, en réalité, là, je rencontre Casey Hudson, puis je le remercie pour Mass Effect. Pour moi, tu sais, je suis comme, dude, t'as pas idée à quel point j'ai hâte que ça s'en vienne, tu le quittes. Puis le gars, il est ému. Il est super ému. Puis, On sort de là, il y a des rubans de choix de tous les sites de jeux vidéo, Best of E3, puis tout le kit. Puis là, le monde, il capote ben raide. Il y a des line-up de fous juste pour aller voir cette vidéo-là. Puis tu vois que le gars, là, il était fier de ce qu'il a accompli. Puis j'ai trouvé ça super le fun. Puis en y repensant maintenant, ce gars-là a dû vivre une des pires débarques de l'histoire du jeu vidéo au niveau de la controverse des fans puis du backlash des fans. Quand on parle justement de l'appropriation de certains items, Mass Effect 3, on a appelé ça en le warning, si t'as pas fait Mass Effect 3, il va y avoir des spoilers. À partir de là, je risque de te spoiler un peu Mass Effect 3, mais je vais y aller dans le très lean. Non. La fin de Mass Effect 3, moi je termine le jeu, je l'ai adoré de A à Z. La fin originale de Mass Effect 3 n'était pas une fin hollywoodienne. Donc, Shepard, vivant, crève, revient à la vie, recrève, se sacrifie, peu importe les choix que vous avez faits. Et il y a toujours un petit quelque chose qui se passe avec ça. Il y a un glimpse of hope parce qu'il y a une petite vidéo à la fin où on voit juste le chest de l'armure de Shepard battre. Donc, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant? Il est mort. Peu importe, on le sait pas. Ouais, mais anyways, là, où est-ce qu'on s'en va dans Andromeda puis on va se rendre là, Shepard a juste pas sa place. Là. Ben exactement, puis c'est cool, puis on va faire en parler de la direction d'Andromeda. Mais là, on va parler du Cupcake Gate. Donc, les trois choix. Parce que là, le monde se fait 5 ans qui accumulent leur save games, ça fait 5 ans qu'ils jouent à Mass Effect, qu'ils font des choix, et ben ils arrivent à la fin, puis peu importe les choix que t'as fait, ça a eu une incidence sur l'histoire, ça a eu une incidence sur le parcours, mais la fin est une finalité. Il y a 2-3 choix, 4 choix, peu importe. Et ben là, il y a un backlash. Vous êtes une gang de crottés, vous êtes ci, vous êtes ça, vous nous avez vendu du rêve pendant 5 ans, on mérite mieux que ça. False advertising en plus. Oui, ça a été en cours en plus. Ça a été en cours, ça a été un paquet d'affaires de même. Puis moi, ben tout le long de cette aventure-là, je me rappelais juste le Casey Hudson ému dans une salle qui était content de montrer son produit à tout le monde parce que cette gang-là, ils ont mis corps et âme là-dedans. Puis j'ai trouvé ça super plate. Fait qu'ils ont créé après ça le Cupcake Gate en voulant rendre les fans heureux. Ils ont créé un ending DLC qui remplaçait la fin originale du jeu. Gratuit, oui. Gratuitement. Good Guy EA. Good Guy EA BioWare. Une fois encore, EA qui prouve qu'ils sont la meilleure compagnie de jeux vidéo au monde. Fait qu'ils font une ils ont à l'écoute. À trois couleurs. Le rouge, le bleu et le vert. Puis là, le monde, ben, leur font livrer des cupcakes au bureau. Tu sais, le monde se plaigne encore, même après le DLC, ça a fait quand même une des grosses controverses du monde du jeu vidéo. Encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont en parler. Ça a été assez étrange comme parcours parce qu'effectivement, ben, les gens se sont appropriés Mass Effect. Moi, je vois ça avec un grand élan positif et un grand élan négatif aussi également. Ben, Mass Effect, c'est le fun parce que ça a suscité l'intérêt d'un paquet de monde qui se sont investis dans une franchise de jeux vidéo et qui ont mis corps et âme dans leur choix pour pouvoir se rendre à la fin. Donc, il y a un paquet de monde qui se sont rendus à la fin puis qui l'ont fini, ce jeu-là. Mais il y a un paquet de monde, par contre, ben, un peu à la No Man's Sky, qui ont fait, ben, c'est pas ce que tu m'avais promis, rembourse-moi, etc. Non, essaye pas, André. Essaye pas, André. Pas autant que No Man's Sky, effectivement. Non. Mais d'un autre côté, tu vas pas, je te laisse pas ça crée un précédent pour justement backer des cas comme No Man's Sky. Ah, hein, créer des enfers rois de jeux vidéo. Là. Exactement. Donc, l'appropriation. Mais Mass Effect 3, malgré toute la presse négative qu'il y a pu avoir autour de ça, Mass Effect, c'est pas une fin de jeu vidéo, c'est un parcours, c'est un voyage de 5 ans, c'est plus que 5 ans de production, c'est beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'amour puis de on a eu la chance de parler d'écouter des écrivains aussi de Mass Effect pas longtemps après le Comic-Con de Montréal, là, on avait justement du monde qui parlait de tout ça après la sortie aussi. Puis je m'en rappelle de ça. C'est un de nos premiers Comic-Con à Montréal, le collectif, ça, je me trompe pas. BioWare, qui est une compagnie qui interagit beaucoup avec les fans, surtout au niveau du cosplay. On va avoir la chance éventuellement de parler avec Mary, qui est une fille qui fait du cosplay de Sari, des trucs comme ça. Pas de Masari, le chanteur, mais bel et bien les Sari dans Mass Effect. Abeille Gélina. Oui, Abeille Gélina, okay. Exactement. Fait qu'elle se déguise en Abeille Gélina. Mais en réalité, tout ce que ça veut dire, c'est que, ben, BioWare sont très près de leurs fans. Ils vont donner même des photos pour les aider à faire les costumes, tout le kit. Ils vont les récompenser. Il y a beaucoup de trucs qui sont happening autour. C'est un peu un phénomène de science-fiction qui est pas aussi accessible que le film, qui a pas le culte de Star Wars, mais qui, selon moi, va prendre encore plus d'ampleur. Et j'ai hâte de voir le prochain volet qui va être Andromeda. Guys, On va terminer là-dessus ce soir. Ça a été un gros voyage, beaucoup de recap. Le futur de Mass Effect. Le futur de Mass Effect. Là, on a vu des bandes-annonces, on a vu des systèmes assez intéressants. Il y a beaucoup de spéculations. Vous autres, là, c'est quoi vos attentes envers Andromeda? Multijoueur. OK. Quel genre de multijoueur? J'aimerais que... Ils ont-tu annoncé un multijoueur? Je suis même pas sûr. J'ai même pas fait tant de suivi. Je pense qu'il va avoir un volet. Je ne suis pas si sûr. Si un... OK. Moi, je me... en fait, là, j'exagère. Non, en fait, j'évite beaucoup de contenu parce que je veux pas me spoiler. Moi aussi, j'ai juste vu les deux, trois trailers dernièrement. Je dis multijoueur parce que l'approche d'Andromeda, c'est vraiment l'approche du Pathfinder. Le char, là? Non. Le héros principal est un Pathfinder. Juste... C'est toujours un Pathfinder. Puis tout le monde sont des différents Pathfinder. Puis ils disent très bien dans les trailers qu'un Pathfinder a un Colonial Ship. Je vais juste mettre le monde en contexte, dans le fond. Andromeda se situe entre le 2 et le 3 dans la timeline de Mass Effect. Mais complètement à l'opposé. En c'est parallèle, que on pourrait dire. L'initiative Andromeda, c'est de créer des vaisseaux avec les... C'est un projet du conseil. Donc, ils ont pris les races, ils ont mis du monde dans des vaisseaux, qu'ils ont envoyés à l'autre bout du monde, dans des galaxies lointaines, en sommeil cryogénique, pour essayer de dénicher des nouvelles planètes puis coloniser. Parce que, ben justement, les Reapers s'en viennent, on sait pas si on va réussir à survivre, puis on veut pas que la race humaine se fasse wiper, les Turians, et etc. Donc, le Pathfinder qu'Eric fait mention, ben chaque vaisseau a un Pathfinder qui est un peu le chef de toute cette gang-là. Puis son mandat... Le tracker, c'est de trouver une planète qui va pouvoir accueillir toute cette vie-là pour rebâtir la civilisation. Fait qu'en réalité, là, ce Pathfinder-là, ben c'est nous dans Mass Effect Andromeda. Puis je sens qu'il va avoir des éléments de Inquisition. Des éléments de... Mais dans Inquisition... Si tu as joué Dragon Age Inquisition, on sait tout, puis André, je sais bien que tu l'as mangé comme un bon popcorn couvert avec du caramel, du chocolat, puis du sperme. De... Oh. Puis moi, c'était le caramel, puis chocolat, là, déjà, en partant, il faut qu'il rajoute du sperme. Mais j'étais pour dire sperme d'Arnold Schwarzenegger, mais c'est une autre histoire. Ah, ça, c'est bon. Calisse. Ben. Mais tu te rappelles dans Inquisition, comment est-ce que au début, tu as le camp, mais après ça, tu as le château. Ouais. Mais le château, je pense qu'il va y avoir cet aspect-là de la première, d'une colonie. Ouais. C'est où ce que tu gères une colonie, une nouvelle colonie de humains. Je sais pas si t'es en Pathfinder peut être de différentes races. En fait, Pathfinder est uniquement humain, mais il y a les Salarians, des Turians. C'est correct. Human Power, man. Les humains, sorry, toute la question. Human Power. Human Power. Parle de racisme déjà dans la planète. Mais en réalité, c'est parce que l'initiative Andromeda, dans le fond, part du concept humain un peu. Donc, c'est les humains qui ont voulu prendre le devant puis ils ont invité les autres. Ouais, parce que les autres espèces en participer. Parce qu'en réalité, tout le monde dit que les Reapers arrivent pas, mais les humains maintenant ils font comme fuck. Si ça arrive, on va se protéger. Puis moi, je m'attends qu'il va y avoir beaucoup de l'aspect de micro-gestion d'une colonie. Ça, j'aimerais ça beaucoup. Beaucoup d'exploration. Je me sens que les planètes vont être des grosses maps plus que d'autres choses. Une fois encore, je pense beaucoup à qu'est-ce que Inquisition a mis en place. Parce qu'il faut qu'on suive un peu le trajet de la technologie de BioWare ici. Puis la manière qu'Inquisition marche, ben, tu sais, t'as pas un open world, mais au lieu, comme tu sais, t'as des différentes zones. Puis quand tu vas dans une zone, mais dans Andromeda, mais ça va être des différentes planètes. Puis ça va être des grosses planètes où ce que t'as beaucoup d'exploration qui se passe dedans, je suis sûr. Mais ça va toujours être, tu sais, de la micro-gestion des colonies. Tu vas-tu pouvoir savoir... crafter comme dans Fallout 4, genre? Ah oh, oui, ben ouais. tu peux craft là, tu peux déjà craft dans Mass Effect, t'as toujours des buildings craft, peut-être. Non, ouais, ça je sais pas, mais tu vois, c'est parce que dans Inquisition tu renforces, tu upgrades avec ton château, tu upgrades ben du stock parce que t'es comme un genre de frontline, mais moi, c'est ça que je m'attends un peu de ça. Mais là je suis curieux, Milton, toi ayant pas fait les autres mais ayant vu des gens jouer puis nous ayant entendu radoter toute la soirée, tu t'attendrais quoi à un Mass Effect Andromeda? Toi, tu vas-tu l'essayer, Mass Effect Andromeda? Oui, parce que Rick va l'acheter puis on a hacké comme je disais tout tantôt. Mais tu t'attends à quoi d'un jeu de même? Mais moi, je m'attends que ça soit mieux que Power Rangers. Ouais, ça c'est sûr. Le prix est différent. Je m'attends à Star à ce qu'il soit vraiment vaste. Je m'attends un peu, puis je veux pas faire de comparaison cheap, mais un peu un The Witcher ou un Fallout 4, justement, style. C'est ça, ça sera pas ça. Je te dis tout de suite, ça sera pas ça. Non, mais dans l'univers, tu sais, à la façon de Mass Effect, sûr, là, mais tu sais, je veux dire, un vaste affaire story avec des, ouais, du choix, tu sais, mais bien complet. Moi, j'ai, une des raisons pourquoi je veux, j'ai pas embarqué dedans, dans le temps, c'était parce que, justement. Ouais, Dead Rising. C'était trop, ben oui. Mais aussi, je checkais ça, puis c'était trop vaste. Mais on dirait que si j'ai de la misère à embarquer. S'il y a trop de choix, je stresse sur mes choix à faire, puis ça me fait chier, on dirait, de dire, oh, fuck, faudrait j'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur de faire le non, mauvais choix. Non, mais fais juste faire ton choix. Puis si mon choix, c'est le mauvais. Ben, il n'y en a, pas de mauvais choix. Ben, c'est ça, oui, non, il n'y en a pas. Hey, quand ton monde, il meurt, c'est mauvais, là. Ça oui, dépend, c'est mauvais, mais ça fait, mais t'es responsable. Ben, après, mais responsabilise-toi, je même veux toi. Pas être responsable de la ben, mort faut de quelqu'un. Ben, que tu responsabilises dans la mais... vie, là. C'est important, là. Ben, ouais, t'apprends une leçon. Mais c'est-tu de vie, long, vraiment aussi, comme jeu? C'est un jeu qui se fait en 6 heures? Non. Non. C'est un jeu que je pense l'histoire, tu peux la faire une vingtaine. Mais si ça, c'est une affaire qui me fait peur. Je voudrais pas jouer au 1, 2, 3 en rush puis que ça me fait genre 80 heures. Mais justement, c'est ça. Puis d'être brûlé du 4. Je pense que c'est un peu des points principaux d'Andromeda, puis quelque chose qu'on devrait vraiment parler de. Pas obligé de jouer les 3. C'est qu'Andromeda vise vraiment. Oui, c'est. Ben, en fait, c'est pas Mass Effect 4. Ils disent pas Mass Effect 4. T'as pas besoin d'avoir joué à aucun des jeux. Ils disent Mass Effect Andromeda parce que t'es carrément ce Pathfinder-là avec ce vaisseau-là qui se fait lancer dans une nouvelle galaxie. Fait que tout est nouveau, là. Tout est nouveau. Moi, je, veux, dans, je voudrais dans Mass Effect, genre. Dans le Mass Effect qu'on connaît, c'est une galaxie. Puis tu le vois dans Mass Effect 3, t'as la galaxie, t'es en train de monter toutes les armées imaginables, t'es en train de figurer, puis de politiser, puis de faire de la diplomate, puis de faire des affaires. Fait que c'est comme que je fais sur Facebook à tous les jours, mais dans l'espace. Mass Effect 3, c'est les réseaux sociaux d'une galaxie. Parce que t'es en train de faire des fucking hot jobs de marde pour convaincre des hosties de trous de cul ou pas de t'aider à défendre la planète Terre. Parce que, comme qu'on dit au début de Mass Effect 3, t'as le council dans la citadelle que t'es comme, hey, by the way, guys, those fucking Reapers are there. Puis ils nous regardent tous, puis ils sont comme, alright, bon point, mais là, nous, on va aller prendre soin de notre peuple. Sorry, planète Terre. Ciao, bye, là. Mass Effect, là, c'est le petit garçon qui criait au loup en version science-fiction moderne. Tout le long, the Reapers are coming, fuck off. The Reapers are coming, fuck off. The Reapers are here, fuck. Ouais. Puis la première chose, puis la planète Terre est en train de se faire. Puis le but de Mass Effect 3, c'est de bâtir une armée pour pouvoir arrêter les Reapers. Arrêter les Reapers. Puis tu le vois, là, dans t'as une map de galaxie, t'as des pourcentages à cause de fait tel quest, t'as tel pourcentage qui monte, puis t'as tel c'est branch le mode qui Galaxy monte. At War que c'est ça. Tu peux recruter des espèces, des armées, des gens, même les mercenaires, tout le kit. Puis ça qui est cool, c'est que tout au long, puis ce qui est spectaculaire dans l'immersion du 3, là, puis on va arrêter d'en parler. C'est le plus là, fun, le 3. Mais là, c'est que tu recrutes des gens que t'aurais même pas voulu t'associer avec eux autres tout au long du 1 puis du 2 parce que sont des bad guys génériques. Mais dans le 3, là, la marde est tellement pognée. Peu importe avec. Qui veut t'aider, là, t'as pas le choix, c'est je vais vivre avec puis je vais aller tuer ces 12 kids-là pour que tu viennes nous aider. C'est ça. C'est du stupid shit c'est comme genre... ça. Non, mais si je te dis, là, ils te mettent dans des spots weird comme ça. Puis en plus de ça, le multijoueur, je sais qu'on n'est pas sur le 3 encore, mais le multijoueur, le plus de missions que tu fais, mais ça monte les attaques de. Fait que Milter a peur que ça soit trop vaste. J'ai peur que ça soit trop vaste, trop long, quelque chose qui... Non, c'est qui... vrai, on répondait à une question que tu posais à Milter. Hein? Ben moi, j'ai juste peur que ça soit un peu trop comme The Witcher, dans un sens, ou quelque chose de même. Je te comprends là-dessus. Qui finira jamais, puis j'ai peur de me lancer dans quelque chose que je ne vais pas apprécier autant, parce que je ne l'aurai pas fini, parce que je vais avoir arrêté avant. Relax. Ou quelque chose de même. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Relax. Ça va apparaître dans ta collection. Qu'est-ce qui est important à savoir dans ça, par contre, puis c'est une grosse différence avec The Witcher, puis The Witcher aussi, je peux comprendre c'est qu'est-ce qui est vaste dans ça. Non, c'est que t'as toujours ton point principal. Fait que t'as toujours, quand tu sais pas quoi faire, ben tu fucking regroup à ta base, à ton vaisseau, à whatever, puis là tu check qu'est-ce que t'as à faire, puis tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Contrairement à CD Projekt aussi, faut faire confiance à BioWare sur une chose. BioWare ont une trame narrative très directrice. Très... C'est ça. Tu fais l'histoire, tu vas finir le jeu rapidement. Et contrairement... Mais tu peux aller chercher de la profondeur versus... Ouais, mais CD Projekt qui font... Faire... Pac! Je te t'sais, pitch là-dedans, puis whatever happens, happens. Le side, il va-tu... Tu sais, parce que du monde, il dit, exemple... Milter. T'es jamais obligé de faire. Contrairement t'es à CD Red Project... Obligé, là. Mais tu rushes-tu quelqu'un parce guys, que t'as pas débloqué guys, de quoi? Contrairement à CD Red Project, CD BioWare ont Electronic Arts avec eux, là. Et? Tout va être correct. Non, mais... Vas-y, Guillaume. Je vais... Guillaume! Voler le droit de parole et répondre à la question d'André. Mais avant de le faire, je vais rectifier quelques faits. Ou plutôt, clarifier quelques faits. On a posé des questions à quoi qu'on s'attend. Mais avant de répondre à ce que moi je veux, je vais expliquer un peu ce qui est sorti à date. Pas des leaks, mais ce qui a été dit publiquement. OK, fait que toi, tu vas juste... Mais spoil pas. Non, je spoil pas. C'est juste... Spoil pas rien. Non, non, c'est pas des histoires. Donc, on dit que... ça, c'est des citations qui viennent de gens qui ont travaillé sur le site, sur le jeu, qui travaillent chez EA et compagnie. Andromeda va être plus gros, plus vaste ouais, ça, que c'est... le 1, 2 et 3 ensemble. Mis ensemble. C'est que dans le fond, ça va être un scope à la Witcher 3. C'est du PR talk, ça, là, que tu fais, là. Je ne fais que... Parce que moi, ce là, non, non, mais attends, il faut qu'on se calme un peu, là. Parce que moi, tu me dis des affaires comme ça, puis tu me parles du PR de EA puis de BioWare au début, là. Je m'excuse, là, mais tu vas pas te promener sur une planète de 1 million de pieds de kilomètres carrés. J'ai pas dit que ça allait être plus gros dans les planètes. Il va en avoir 20, là. Laissons-le terminer avant de le changer. Calais, ça va pas être si vaste que ça. Le jeu est plus vaste que les autres. OK, c'est bon. Le jeu est moins linéaire que les autres. Donc, il est plus free roaming. Ça me t'es moins directé. Ça me gosse. Ben, c'est un open world. On sait pas encore à quel niveau. Ça me gosse. Par contre, les choix d'interaction avec l'espèce de ce qu'ils appellent le radial menu radial rond qui te permet de choisir tes interactions, tu sais, positif, négatif, méchant et whatever, ça reste. Et l'autre chose qui a été annoncée, c'est que dans j'ai les mots en anglais qui me sortent en tête, mais dans les jeux précédents, on pouvait faire pause dans le jeu pour choisir des pouvoirs. Cette fonction n'est plus disponible. C'est du 100% real time. C'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. Puis ça, c'est parce une des que fonctions c'est l'aspect des plus RPG au niveau. Mais c'était de... ça qui était le fun de Mass Effect. Des fois, là, tu voyais tout le shit qui brassait. Mais ça, là, c'est... tu fais pause, puis là, tu analysais. Ils ont enlevé cette partie-là selon ce qui était annoncé. Par contre, au début du jeu, à la création du personnage, t'es plus restreint avec des classes prédéterminées. Tu peux créer ton personnage comme tu veux. From scratch. Ce qui est intéressant de ça, c'est ça, je m'étais renseigné là-dessus. Par contre, ben, en fait, c'est en faisant les trainings. Allez sur le site, le Andromeda Initiative, dans le fond, qui vont faire des petits trainings, puis ça fait des unlocks pour le jeu qui vont être gratuits. Ce qui est cool, c'est que c'est un système qui a été développé où le Pathfinder est connecté et son équipe, par un implant dans leur tête, sont connectés à une intelligence artificielle qui est dans le vaisseau principal, qui leur permet de changer de classe on the fly. Fait qu'en réalité, tu peux avoir un Steel Soldier, puis là, ben, whoop, t'es dans une passe où il faudrait que tu sois un peu plus fort en biotics ou des affaires de même. Tu peux switcher le profil de ton héros, puis là, ça va s'adapter au fur et à mesure. Puis ce que ça fait, c'est que dans le lore du jeu aussi, le fait d'être connecté sur l'intelligence artificielle du vaisseau, permet à ce que l'équipe communique mieux en real time puis partage de l'information plus rapidement aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même cool parce que ça rajoute du lore puis ça dédramatise le jeu, pas le jeu non plus. Puis si on finit la question en disant ce que moi j'aimerais avoir au niveau plus du feeling, de l'ambiance, de ce que tu ressens, j'aimerais quelque chose qui me rappelle Knights of the Old Republic. Voulant dire. Knights of the Old Republic, t'avais un storytelling qui était excellent. C'est vrai que c'était plus RPG. Là, on sent, de ce qu'on croit voir, c'est plus action, tu sais. Mais c'était très grandiose, c'était épique. On voit encore les éléments de Knights of the Old Republic dans la trilogie originale. Mais la trilogie originale évoluait dans une certaine direction. Mais j'aimerais ça qu'il ramène un peu cet aspect-là où justement, tu vas d'une planète à l'autre, tu rencontres des différents personnages. Chose qui a toujours été là dans Mass Effect, mais j'ai jamais eu l'espèce de wow factor, l'espèce d'émerveillement que j'ai eu avec Knights of the Old Republic dans les Mass Effect. Pas que c'était pas là. Est-ce que ça aurait pu être relié avec l'univers? Est-ce que le Star Wars pourrait avoir un impact là-dessus? Non, je pense pas, parce que Knights of the Old Republic, c'est tout... parallèle, c'est pas Luke, c'est pas Darth Vader, c'est pas, tu sais, Han Solo. Mais ça reste des Mandalorians, des lightsabers, des oui, Jedi. Oui, en effet, mais c'est vraiment, tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est pas parce que t'es le fils de quelqu'un que t'es automatiquement garant de succès, tu sais, faut que tu prouves ce que t'es capable d'amener, tu sais, mettons, des fois, tu vois la personne, le fils ou la fille d'une personne connue. Oui, le nom Star Wars t'aide à embarquer dans l'aventure, mais si ça drop la qualité... Comme c'est déjà arrivé dans l'histoire des jeux de Star Wars, il y en a eu qui étaient moins bons. Tu sais, tu t'écœures, mais Knights of the Old Republic, je me rappelle avoir joué à ça, puis on s'entend dans le temps, les graphiques n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Puis j'étais absorbé, tu sais, à passer quasiment des nuits blanches au complet là-dessus. Puis, tu sais, j'ai vu des screenshots passer. Tu sais, il y a une espèce de petit côté, justement, storytelling, un côté épique. J'adorerais voir ça. Et comme Melter, j'aimerais ça que ça soit pas... Tu sais, on voit qu'ils disent que ça va être plus vaste, mais je veux pas me sentir perdu un peu comme dans Witcher 3. Witcher 3, je l'ai commencé, puis quand j'ai vu que c'était si gros, j'ai comme dit, j'ai pas le temps pour l'instant, tu sais, je veux pouvoir consommer le jeu. Puis, tu sais, là, je viens, comme je disais tantôt, je viens de finir Metal Gear Solid 5, puis c'est ce que j'ai moins aimé du jeu, tu sais, c'est comme super épisodique, c'est comme, c'est vaste, il y a comme pas de trame directrice. Il s'éternise un moment donné. Aussi. Ouais, puis tu sais, j'ai pas peur, honnêtement, que le jeu soit bon. Là, on s'entend, il y a toujours les bugs techniques, les day one patch, les ci, les ça, les ça va-tu bien rouler sur PC, ça va-tu bien rouler sur Xbox One, dans quelle console je vais le prendre. Oh boy, non, donc, ça va être correct. Non, mais tu sais, c'est des affaires de même qui m'inquiètent plus, mais tu sais, au niveau du storyline, j'aimerais ça avoir un vibe à la KOTOR où je redeviens émerveillé, puis ben, où c'est pas si. Tu te sens pas perdu par rapport à l'univers comme mettons Witcher 3 pourrait le faire. Ben écoute, je trouve ça intéressant. Je vais te partager une affaire. Ça sort le 21 mars en Amérique du Nord. Ça sort le même jour que je trade in For Honor. Écoute, j'ai. Tu sais que ça a l'air mauvais. Moi, je vais réagir un peu à ce que vous venez de dire, puis je vais partager aussi mes attentes envers Andromeda. Mais Guillaume, tu viens de dire de quoi, puis j'ai goût de faire une expérience sociale avec toi un peu. Tu sais, tu parles de l'aspect immersion et un peu plus grandiose de KOTOR. Je t'inviterai à faire de quoi? T'as-tu encore KOTOR? Oui. Repars une game. J'ai le parti de Mass Effect 1, là, mais. Mais justement, puis je trouve que ça serait intéressant. Jouant à Mass Effect 1. Parce que là, de ce que je comprends, moi, je me pose une question. Puis la question, c'est le souvenir de Mass Effect versus le souvenir de KOTOR. Puis tu prends les deux aujourd'hui, puis tu les mets côte à côte, puis tu les joues. Je me demande si tu vas avoir aussi, autant le même émerveillement de KOTOR versus ce souvenir que tu avais. Ben, c'est sûr que non. Puis c'est plate ce que je veux dire, parce que moi, je l'assume. Ben, j'ai arrêté de vivre dans le passé. Non, mais je me rappelle, ça me rappelle des conversations que j'ai eues avec des amis gamers au secondaire. Je l'assume totalement. Je veux un beau jeu. Des fois, il y a des jeux que tu sais, t'entends des critiques, là, le gameplay est écœurant. Je le trouve fucking laid. Je suis pas capable. Ouais, mais on s'attend KOTOR... que Mass Effect 3, en ce moment, tu joues live sur ton ordi. Là, il est encore très oui, encore oui, je parle pas de ça. Moi, je parle de KOTOR. C'est que je joue à KOTOR maintenant, je le joue en dehors de son contexte historique. KOTOR était beau quand il est sorti. Si je joue KOTOR maintenant, je vais être malheureusement un peu déçu. Mais il va être en 1080p. Ouais, mais tu sais, avec des textures de l'époque. Des et belles textures. Il y a aussi le fait que j'ai déjà joué au jeu. Donc, j'ai plus l'espèce de « c'est nouveau ». Ouais. Comme Mass Effect 2. Là, je joue au 1. J'ai jamais joué au 1. C'est la première fois que je joue au 1, Mass Effect. Quand je vais le finir, je me suis dit « est-ce que je fais le 2 que j'ai déjà joué ?» Ou je saute tout de suite au 3. Moi, je pense que tu vas avoir le goût de faire le 2. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, je vais pas avoir l'histoire. Tu sais, le fameux, comme, tu sursautes, tu sais, comme la première fois que j'ai écouté Predator, je me rappelle avoir eu la chienne. La première fois que j'ai écouté Robocop, j'ai eu la chienne. Tu sais, la deuxième fois que tu l'écoutes, tu sais où est-ce que ça s'en vient, les punchs et tout. Ça, je le perds, c'est sûr. À la limite, je vais le jouer d'une façon différente. Mais, c'est pour ça que je pourrais pas comparer, mettons, KOTOR maintenant à Mass Effect 1 quand je vais avoir fini, parce que c'est sûr que je vais avoir, comme moi, j'ai évolué, ma perspective des choses ont évolué, puis le jeu aussi a été fait dans deux époques complètement différentes. Même si, une après l'autre, mais je veux dire, le contexte dans lequel je l'ai joué était différent. Okay. C'était quand même du bon développement pour dire non, André, je ne jouerai pas à KOTOR. C'est ça, exactement. Non, mais c'est juste pourquoi non, je ne le ferais pas. Mais pourquoi... je pense que le raisonnement il est bon. Il a raison. Mes attentes envers Andromeda, c'est super simple. J'en veux pas d'attente envers Andromeda. Je fais confiance à BioWare. Je fais confiance à certains choix. J'ai des craintes sur quelque chose. Je fais confiance à BioWare en matière d'histoire. La seule affaire, c'est justement le retour à... Je trouve la formule Mass Effect 2, Mass Effect 3, pour moi, était parfaite. Où on a arrêté de... Tu sais, c'était under promise, over deliver. Tu sais, on n'a pas promis que tu vas explorer chacune des planètes, puis on n'a pas promis que tu vas pouvoir trouver 48 000 sortes de minerais, puis que tu vas explorer telle affaire. Puis il donnait allusion à bien des choses. Ben, c'est ça. Il donnait allusion, sauf d'un autre côté, il te promettait que tu allais finish the fight, qui était le slogan de Mass Effect 3. Ouais. Mass Effect 3, c'était pas finish de fight. Non, c'était Halo 3. Halo. Non, il y avait un slogan pour Mass Effect 3 que j'ai oublié. Mais, c'était Take Earth Back. Take Earth Back, oui, pardon. Je suis désolé. Wow, finish de fight. Make Earth Great Make Again. Earth Great Again. Take Earth Back, mais ça, en réalité, c'est des faits alternatifs, là. ils ont promis qu'il était pour avoir une histoire, que c'était pour être la finalité. J'aimerais dire, excuse André, mais... Je suis rendu à Halo 5 and we're still trying to finish bon, the fight. Bon, tu vois, gars. Fait que, tu sais, en réalité, là... The fight has just begun dans Halo 5. Je leur fais confiance à avoir l'histoire. J'ai des craintes que ils vont essayer de le faire trop vaste. Puis c'est correct, mais pour moi, Mass Effect, c'est pas ça. Moi, Mass Effect, c'est une histoire, un soundtrack, un feeling. Un space opera. Ben, c'est ça, exactement. Je pense que tu vas l'avoir. Ça, tu vas l'avoir. J'espère l'avoir. Parce que, tu sais, de ce que j'ai vu à date, ça a l'air quand même très bien, puis je suis hyped as fuck. Sauf qu'il y a beaucoup de choses que je veux pas regarder, je veux pas me spoiler rien. Déjà, je suis tombé sur un des spoilers potentiels, parce que là, il y a du monde qui décortique des trailers, puis des affaires de même, puis le kit. Puis... C'est quoi le spoiler potentiel que t'as entendu? Parce que c'est pas confirmé que ça va l'être, ben, c'est right? pas confirmé, mais la théorie tient du sens où il y a un personnage, dans le fond... Dans le Andromeda Initiative, dans le vaisseau, il y a une intelligence artificielle qui regroupe tout le monde. Cortana. Un équivalent de EDI qu'il y avait dans le 2, qui était faite par Cerberus. Donc, il y a cette intelligence artificielle-là qui régit tout le monde puis qui relie le Pathfinder à son équipe. Il y a une des personnages, si je ne me trompe pas, son nom de famille est Carter. Donc, c'est la second in command du Pathfinder dans Andromeda, qui partage le même nom de famille que le Elusive Man. Donc déjà en partant il y a un gars direct en partant qui a fait bon ben ayant vu ça il y a un gars qui a call in shot qui selon moi a du sens mais que ça serait de la famille du Elusive Man ou un agent de Cerberus qui serait infiltré à bord du Andromeda Initiative ben on s'entend que non mais Cerberus sont clairement à rapport dans là. Le ben oui la seule affaire c'est que sachant ça d'avance puis je m'excuse aux gens qui viennent d'écouter parce que si ça arrive pour vrai ben vous allez être moins surpris. Spoiler. Puis moi, avec. C'est, ouais, ben, être surpris qu'il va y avoir du Cerberus dans un Mass Effect. Non, mais je suis pas surpris qu'il va y avoir du Cerberus, mais j'aurais aimé ça, pas lire ces phrases-là. Fait qu'au pire, on avertit le monde qui est à avoir une graine d'idée dans la tête. Moi, ouais, tant qu'il n'y a pas de. Narrative, là, tant qu'il n'y a pas de squid puis d'octopus qui sont en train d'écrire avec des tâches. Mais tu te dis ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand que je vois une théorie de fan qui a de l'allure en crise. Ben, comme je l'ai checké pour Star Wars, là, ouais. Sans le vouloir, là, des affaires de qui est vraiment le Jedi, puis Rey, c'est la fille à qui, puis ouais. Whatever. Pis c'est qui Snoke, puis... Ouais. Exactement, ça, je n'ai... Mais ça, justement, Snoke, je pense que je l'ai écouté. Quand je l'ai vu un, puis j'ai fait comme... Oh my God, tout fait du sens! Ben, j'étais allé en écouter 8 autres qui étaient des théories différentes pour me dire que... Ah, si, ils font tout du sens quand tu ouais, exploites Snoke, l'information le... comme tu veux. Snoke, ben, c'est le Snowtrooper qui s'est cogné à la tête. Ouais, c'est un bon calme, je vais sûrement essayer d'aller faire ça. Mais en réalité, là, gars, ça va sortir en mars 2017, Andromeda, là, puis je vais avoir du fun. Je peux vous caler que je vais avoir du fun. Je peux vous caler que j'ai déjà averti ma blonde, ça, quand ça sort, oublie ça, tu me perds pendant 3 jours. Je vais faire que ça, je vais jouer à ça, je vais capoter mes raids là-dessus. Mais si vous n'avez pas fait Mass Effect, on a dédié un show à ça parce que pas mal tout le monde était unanime pour dire que ben d'un ça a eu un impact sur le jeu vidéo moderne. Moi j'ai pas eu le choix. De deux ben Milter a pas eu le choix. De mais trois les gens ont demandé. Les gens nous ont demandé aussi d'avoir un show sur Mass Effect puis on en a fait. Les on gens nous demandent un show sur Cooking Mama aussi mais non. Ben peut-être qu'on va en faire un Joe. Oh, on sait jamais. Il y en a deux trois live stream. Mais en réalité si vous avez pas essayé Mass Effect ben Mass Effect il y a des comic books il y a des livres il y a un film d'animation il y a un manège il y a des jeux il y a un paquet d'affaires il y a un manège il y a un manège comme... oui, en Californie ouais. Ah ouais c'est cool depuis cet été hein, l'été passé. Donc, allez essayer ça. Allez le tester manège, Mass Effect. Ça le manège-là, en passant, il y a eu un leak du début puis tout le monde pensait que c'était le Andromeda jeu. Là, puis ouais. C'était vraiment merveilleux. Ben, fait que tu sais, on vous a peut-être donné le goût de l'essayer. Peut-être que non. Peut-être qu'il y a du monde qui ne se sont même pas rendus à la fin de l'épisode. Mais merci d'avoir été avec nous autres. On est Geek Collectif, le podcast. On est une balado-diffusion québécoise francophone. On est des tripeux. Et on va se revoir dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, ça va être un prochain épisode sur un sujet divers. On vous invite à aller voir notre page Facebook, facebook.com/geekcollectif, le podcast. On est sur Twitter au @geekcollectif. Puis, Eric, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te retrouve où? Sur Facebook. J'aime bien Facebook. Je trouve que Facebook va gagner la guerre des réseaux sociaux. Puis tu peux me trouver à slash Montréalien là, un peu là, c'est pas mal sur ma page. Puis priced 13,87 sur Binet, je dis tout le temps, mais on fait bien du Overwatch ces temps-ci. Puis ben chaque vendredi soir Arcade Montréal, venez faire un tour là, et on fait des tournois là, cette semaine. Ça va être où c'était un tournoi de un jeu de tennis, on sait pas quel encore. C'est-tu vrai, Eric, que chaque personne qui vient te saluer à Arcane Montréal, tu leur payes un shooter? Non, pas vrai, pas en tout. Ah, j'ai entendu mais, ça. Mais, sont la bienvenue de me payer un shooter. Ah, c'est peut-être ça que j'ai lu, mais mal lu. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi? Ben, toujours sur Facebook. Soyez juste prêts à ce que vous allez voir quand vous m'ajoutez. Twitter, @ZombieMilton. Et sur Xbox, PlayStation... Et je pense encore sur Wii U. Milter 187. Venez me adder. Et c'est ça. Guillaume. Si vous êtes Twitter, c'est twitter.com/GuyHamel. G-U-I-Hamel. Sinon, Facebook, Guillaume.Hamel. Mon site web est dans l'imbre en ce moment. Je n'ai même pas le temps de le faire. Merci. C'est ce qui arrive. Pour les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquette, ben sinon c'est Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, Xbox Live, PSN, Steam, Uzumaki QC 1281 sur Battle.net pour faire du Overwatch aussi également. Guys, ça m'a fait un plaisir d'animer ce show-là, je trouve ça le fun, j'ai plein de bons souvenirs en tête des 5 dernières années passées avec Mass Effect. On a eu une bonne discussion. Milter a fini les Skittles en ordre de couleur, oui. En terminant par les oranges. On devrait... C'était assez... moi, ça m'a troublé de le regarder manger ça. Oui, il cherchait les verres à un moment donné. C'était le fun. Il était en dessous. On devrait faire des d'autres genres de rétrospectives de jeux, des fois, de même. Ça serait cool, ça pourrait être le fun. Tous les jeux, pas les jeux de merde, là. Mais, c'est-tu quoi? On va inviter les fans à nous faire des suggestions. Si, mettons, il y a justement une rétrospective de jeux que vous voudriez qu'on fasse. Oh, j'ai reçu un message. Ils veulent qu'on fasse Earthworm Jim. Bon, ben, c'est génial. Cool, on essaiera de faire ça. Mais, je me donne un veto, hein, là-dessus. It's not Bungie. On va vous inviter aussi également, si vous avez aimé l'épisode que vous avez écouté ce soir, ben, nous, on fait ça gratuitement pour vous et on accepte chacun des dons que vous voudriez faire pour nous aider à payer les frais d'hébergement, payer notre site web, payer, rembourser l'équipement qu'on a acheté. Donc, on vous invite à aller sur patreon.com/geekcollectif. Vous pouvez aller vous joindre à nos Patreons qui nous encouragent et gardent les lumières ouvertes à chaque mois. Donc, l'épisode sera disponible d'ici quelques jours et sinon, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain enregistrement. Merci à tous pour ce soir et sur ce, bien, bonne soirée et à bientôt. Bye. Bye bye. Bye. Ciao.